Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur Indestar, il est 21h01 et c'est Ardaki Solid. C'est l'histoire d'un loup et d'une poule. Oui, blabla, le loup rentre dans le poulailler, mange le grain de la poule, il s'étouffe, la poule veut le sauver en passant par son derrière, elle reste coincée à l'intérieur et ça fait le loup-poule. Ah, tu connais l'histoire? Bien sûr, moi aussi j'écoute ActuSolite. 2 heures de grand n'importe quoi, c'est ActuSolite. Maintenant sur Indestar, bienvenue. Oh oh, alerte au gogol. Ah l'enfoiré. Mais pas du tout. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que quelqu'un a la référence? Oui, South Park. Non. Ah, c'est South Park? Non. Si. Non, bah, si. Non. C'est Bob l'éponge. C'est Carlos de Bob l'éponge. Mais ouais. Sérieux? Bah oui, il le dit. Tu te fous de ma gueule là. Mais non, il le attends, dit. Attends, il a un sourire en coin, tu te fous de ma gueule. Ouais, non, il se fout de ma gueule, c'est bien South Park. Disons que la voix, ça vient du même personnage qui fait Carlos de Bob l'éponge. Ah, mais c'est bien de South Park. Oui. D'accord, ok. Je le disais aussi. Et pour bah merci le doute. Pour la petite lueur d'intelligence de ce lundi soir. Ouais. Bah non, on commence comme ça et après c'est fini. Non, on a d'autres choses. On a d'autres choses. D'où l'expression du square par exemple qui arrive dans un instant. Mais avant, laissez-nous vous présenter cette magnifique équipe qui, tous les lundis soirs, régive. Fait honneur à cette émission. Oui, on fait ce qu'on peut. Jolan est là, mon soeur Jolan. Bonsoir. Comment tu vas? Bah, très bien, comme tout à l'heure, je vais très bien. Oui, mais imagine que. C'est quoi? Imagine qu'on n'était pas là tout à l'heure. Bah, qu'on n'était pas là tout à l'heure. Et puis en plus, il s'est passé une chanson entre les deux, donc tu vois, t'as pu évoluer. Ouais, non, mais ça va. Peut-être que tu t'es cassé la gueule. Super en forme. Bon, j'ai bu une cafetière de café cet après-midi, je pète le feu. Ok, ça, on s'en fout. Une cafetière de café. Il a même avalé la machine. C'est ça, ouais. Teddy, avec sa sucette dans la bouche. Ouais. Tu suces ce soir. Ce soir, je suce. Eh ben, je vais bien, je suce. C'est vrai. Tu as changé de bord, Teddy. Exactement. J'ai toujours été de ce bord. On est à bas bord. Bon, tout va bien donc pour Teddy, avec son beau pull bleu, que vous ne pouvez pas voir à la caméra, parce qu'on filmera seulement le record tout à l'heure. C'est désormais le cas tous les lundis soirs. On filme que les bons moments de cette émission pour les retransmettre après sur les réseaux sociaux. Donc en gros, le reste, c'est de la merde. Non, le reste, visuellement, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt visuellement. Par contre, en audio, et d'ailleurs, si vous avez loupé un bout de cette émission, vous pouvez toujours nous réécouter sur une vingtaine de plateformes dans les podcasts. Eh oui. Antoine a un vrai micro filaire ce soir qui devrait durer jusqu'à la fin de cette émission. Comment vas-tu, Antoine? Je suis toujours malade. Ouais, par contre, on t'entend près du micro, s'il te plaît. Je suis toujours malade. C'est vrai. Parle pour toujours de vrai. Malade parce que pourquoi? Pourquoi t'es malade? T'as quoi? J'ai la crème. Bah. Oui, mais parle par contre parce que sinon. Parce qu'il est parti en Chine. T'as la crème. L'enfoiré. Il a chopé le coronavirus. Un coronavirus. Ouais. Alors, on se posait la question d'ailleurs, c'est pas drôle hein, parce qu'il y a des cas déjà. Nombreux cas en Chine et puis il y a des morts. Hein, oui. Ouais. Et il y a 3 cas en France, je crois, oui, c'est qui ont été déclarés aux dernières nouvelles à Bordeaux, à Lyon et Paris. Après, c'est pas forcément mortel. Hein. Ça soigne bien sûr si c'est traité à temps. Par contre, on se posait la question d'où ça vient ce coronavirus. On se dit, est-ce que ça vient des bières Corona? Est-ce que ça vient de la chanteuse Corona? Vous vous rappelez I want the rhythm of the night. Oh yeah, alright. Et en fait, non, pas du tout. C'est un Il y a beaucoup de Chinois qui ont couché avec elle. Bon, en tous les cas, on traite tout ça pour que ça puisse arriver rapidement. J'ai vu un truc par rapport, une petite parenthèse. Sur internet, ça m'a fait rire. Si je mange chinois, est-ce que je peux attraper le virus? Ah non, mais il y a des gens qui appellent le SAMU pour poser ce genre de questions. C'est là. Ça. C'est ta grand-mère aussi, elle veut pas que tu côtoies les Chinois. Je lui fais des petites dédicaces. Attention, tu vas choper le coronavirus. Elle m'a dit, tu les évites. Hein. S'il y a des Chinois en boise, tu les évites. Bah, mon ex m'a dit pareil aussi. Évite de sortir avec une Chinoise parce que là. C'est compliqué. Bon, mais. Oh, les pauvres. Pas de psycho, s'il vous plaît. Pas de psycho. Et Tang, il doit avoir peur en ce moment. Ah, bah, Tang, ouais, par contre, on va pas le recevoir. Hein, c'est bon. Non, bah, voilà. Il va rester dans son pays, Tang. C'est moi qui vous le dis. Comment va Anaïs ce soir? Ça va. C'est vrai? Je suis en forme. C'est vrai, t'es en pleine forme. J'en ai toi pipi. Oui, alors quoi? Non, mais ça, tu nous dis à peu près tous les lundis soirs. Grave. Et c'est quelque chose qui est redondant. J'ai l'envie de faire pipi. On va l'appeler Marie Pisse 3 gouttes. Ouais, c'est ça. Non, mais vous savez quelque chose sur Anaïs, elle a une petite vessie. Ouais. Comment va la sœur d'Anaïs qui a dormi sur le canapé il y a à peu près. Je suis venu la faire chier tout à l'heure. Ça va, t'as loup, viens me dormir. Amélie s'est fait une grosse sieste sur le canapé. Ça va, réveiller? Mais même pas, il roucoulait à côté de moi. J'en ai dit, t'abuses. Pourquoi il roucoulait? Parce qu'on jouait à Pokémon. Il y avait des roucoules partout. C'est bientôt le printemps, la saison des amours, ça roucoule, ça roucoule. Ouais, du coup, comment veux-tu dormir? En plus, c'est bientôt la période des productions, là, ça me fait peur. Hein. Des productions, des reproductions. De la reproduction. pas la même chose, il une production. Alors, parlons de production, la transition est toute faite parce que cette semaine, vous savez que depuis le début de cette année 2020, on a décidé, en plus d'écouter de la YOLO Music, des petits extraits comme on le faisait depuis le début de saison, on s'est dit, ok, c'est bien de passer les chansons des autres, mais on va produire nos titres aussi nous-mêmes, on va jeter à l'eau. Et là, cette semaine, plutôt que de reprendre une musique qui existait déjà et de faire des paroles sans queue ni tête, on a été... Enfin, il y avait la tête, mais bon... Je l'ai créé, mais non... Mais... On a peut-être pas créé la musique non plus. Peut-être qu'on le fera un jour. On va créer... Oh putain, une... non, on a mis une heure et demie à enregistrer un refrain, alors créer une musique. C'est un défi de faire l'instrumental. Et encore, on était que deux. Oui, mais là, on a pris l'instrumental libre de droit sur Internet et on a écrit tout le texte. Donc, c'est une chanson quasiment presque originale hein, qu'on a produit, dont on vous fera profiter ça, tout ça à l'heure. Ça passera peut-être dans la prochaine un jour. Hein. Ça reste une YOLO musique, très clairement. Hein. Mais donc, c'est pas forcément répertorié en tant que grand talent. Mais on est assez fiers de nous. Hein. On se l'écoute en boucle hier soir. Moi, vous m'entendrez juste à la fin, c'est tout. Mais surtout qu'en plus, on a appris le refrain par cœur parce qu'on a quand même mis une heure et demie à faire 20 secondes moi, de plus, refrain. Hein. Sérieux, tu t'en souviens plus? En réécoutant, ça va te revenir. Moi non plus, je m'en souviens plus. On vous donne. Ouais, je comprends, t'étais pas là, Teddy, tu nous as lâchement abandonné. On a enregistré ça hier dans un vrai studio de production, c'est-à-dire chez moi. Et voilà, une petite cabine de voix que je me suis faite pour Noël et c'était cool. On s'est bien amusé. On a plus rigolé que chanté, mais c'était cool. on vous donne juste en teasing le thème de la chanson. Les mots-clés qui nous ont permis de faire le texte autour, c'est-à-dire que toutes les semaines on se dit, on se donne un mot et puis après à nous de bâtir une chanson dessus. On a dit cette semaine ça se croit l'herbe verte, l'herbe grise, pardon. Ce sera l'herbe grise. Donc on est parti sur l'herbe grise et puis après, on vous donne pas la. Rien à voir avec l'Australie, je précise. Rien à voir avec l'Australie, c'est l'herbe noire, ça, c'est encore plus grillé malheureusement. C'est plus d'herbe. Petite dédicace à. T'es violent, mec, je te jure. Petite dédicace à ceux qui nous écoutent en direct d'Australie, s'il en reste. Donc, Doc, tu solides, on me tape. On va se faire censurer. Ouais, je sais. Au pire, comme ça, je pourrais dormir si on est censuré. Bah non. Tu veux dire des gros mots? Non. Non, on ne dit pas de gros mots. C'est censuré aussi. Exactement, il y aura des bips à l'antenne chaque fois que tu dis un gros mot. Comme toutes les semaines dans Actu Solite, on a plein de choses qui nous attendent. Le multi-quiz dans un instant, on a déjà les ardoises sous la main pour écrire les propositions qu'on va nous formuler. Ça sert à rien de lever l'ardoise, on n'a pas de caméra. Non, je sais, mais c'est pour me mettre dans l'ambiance. On vous montre, regardez. Qu'est-ce qui se passe? La rubrique de Teddy aussi. Mais oui, attends, il vient. J'étais sur le programme. Ok. Le multi-quiz, donc, avec à chaque fois trois propositions de réponse, une seule est la bonne. Et plus on a de bonnes réponses, moins on a de risques de participer au record de tout à l'heure en deuxième heure. Un record, vous l'avez peut-être vu en teasing sur la page Facebook, qui concerne du yoga. Alors on vous en dit pas plus, mais ça va être un petit truc zen, yoga challenge et compagnie. Ce sera en deuxième heure, ça sera filmé et retransmis sur les réseaux sociaux. D'accord, je ne touche plus à l'ardoise. Parce que tout à l'heure, je viens de la prendre dans la gueule. On va l'utiliser, l'ardoise aussi, pour le. Raconte-moi une histoire, ça sera aussi en deuxième heure. Là, on va vous raconter une histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, ce sera à nous de déceler le vrai du faux. Manifestation insolite de la semaine, mode de vie insolite également, le top objet à suivre en direct sur indestar.fr avec l'affichage de l'objet qui se mettra en direct sur vos écrans. C'est ça aussi la radio, ça serait en ce moment sous enceinte. Et notre chanson à découvrir en deuxième heure. Et pour commencer, l'expression de la semaine, signée Teddy, qui justement s'est dit, on a fait de la musique, on fait de la YOLO musique, qu'est-ce que le terme YOLO? Exactement, c'est pas le yoga que je vais parler, c'est YOLO. C'est YOLO. YOLO est une expression, donc c'est un acronyme en anglais en fait, qui veut dire You Only Live Once. Once. Ouais, donc ça signifie on ne vit qu'une fois. Ouais. Voilà. Donc je vais donner un exemple, je vais dire Hey Théo, ça te dit de sauter en parachute? Non. Et là il me dirait Ouais, YOLO! Ah ouais, du genre ouais. On vit qu'une fois. Balèque, on y va. Ouais, balèque, c'est ça. C'est ça. Ça se trouve, je vais m'écraser, donc on vit qu'une fois. On s'en fout. Pas on longtemps. Voilà. Ouais, bah, du coup, est-ce que c'est nécessaire de prendre le parachute? Oui. YOLO. YOLO. Non, tu fais croco. Ah, oui, on l'expliquera à croco, mais en gros, faut le faire. On dit croco et après, on dit YOLO. Rien à battre de la vie. C'est comme ça qu'on vit 25 ans. Amélie, on l'a perdu, je crois. Non, mais c'est bien quand tu nous expliques une expression de Jones comme ça, ou de moins Jones d'ailleurs, hein, mais toutes les semaines. De Jones, putain, avec ta 40 piges quand tu dis ça. Quoi? Il est presque. Il va doucement. Bah, expression de Jones, c'est bien. Non, ça se dit plus. Bah, il y a que les vieux qui disent ça. Vous exagérez. On que les boomers. Alors, non, mais je suis pas un boomer, excuse-moi. J'expliquerai ça, je sais pas quand. Je vais arriver. Non, mais les boomers, c'est simple, c'est ceux qui sont nés après la guerre, c'est les baby boomers. C'est ça, ouais, c'est de la génération des baby boom. Ouais, bah, je suis désolé, j'ai pas de la génération des baby boom. Merde. Ouais, mais c'est une mentalité aussi, c'est pas qu'un âge. Ouais. Bon. Il y en a, ils sont des boomers dans l'âme. Ouais. Je parlais du top objet tout à l'heure, il y a un objet à découvrir, hein, l'objet mystère. Ouais. On vous donne deux propositions. Il pourrait sur être la page Avengers, cet objet. Ah, c'est vrai? Ouais, il a un petit rapport. Logique. Non, jeu vidéo, tout ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, vous allez sur la page Facebook d'Indestar. Convaincu. Et vous votez. Eh, c'est cool parce qu'on est 420 sur la page Facebook d'Indestar. On a grandi, on a poussé les murs, etc. Ouais. On est nombreux. Donc, bah, bienvenue à vous. Bienvenue à tous les nouveaux qui venaient nous rejoindre. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Salut. À écouter cette fabuleuse émission qui est Actu Solite. 23h minimum. Moyenne de. 10 auditeurs par animateur. Comment t'as compté ça, toi? Parce qu'on est à peu près 40 dans la radio. Ouais. Sérieux? Ouais. T'as divisé et ça fait. Bah, combien tu dis? Ça fait 10 auditeurs par animateur. Ah, c'est bien! Ouais. On va dire à peu près. Ah ouais, hein, mais moi j'ai les meilleurs. Dans mon équipe, c'est les meilleurs. Tu sais, c'est comme quand tu choisis ton équipe de sport, etc. Tu choisis, moi je prends lui. Ouais. Mais pourquoi t'as pris Almaïli du coup? Ah, pas fait exprès, on l'a posé, tu sais, il restait plus que le. Oui. Il restait plus qu'elle à la fin. Non, mais ça c'est toute l'histoire de ma vie. Hein. Quand je faisais du sport à l'école, il restait plus que moi, tu vois. Mais moi aussi. Bon, bah Théo. On a tous vécu ça, je crois. On était tous le dernier. Oh, pas tous. Pas, non. Non, non, pas toi. Ah, si, moi toujours. Genre le fardeau. J'étais dans les premiers. Le fardeau de l'équipe. Oh, bah, bon, bah, s'il faut vraiment prendre Théo, on le prend. Mais franchement. C'est pas un cadeau. Sinon, on peut être que 10, hein. Ça gêne pas, madame. Eh oui. Mais non, mais on est tous derniers à un moment donné. Mais on est tous premiers aussi, comme dit Jean-Jacques Goldman dans sa chanson Bonne idée. On a tous été vainqueurs, même le dernier des derniers. Une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés. Eh ben, je la connais pas. Mais c'est. Tu écouteras. C'est une musique de vieux. Et d'ailleurs, en parlant de Jean-Jacques Goldman, rappelez-vous la semaine dernière, on avait fait le titre Ta mère. Sauf que à l'antenne, oui. Je sais pas si ça a donné tellement bien parce que déjà on a mal chanté. Bon, ça, vous allez me dire, c'est une constante. Mais par contre, ouais, ça saturait un petit peu. On a réécouté, on s'est dit, merde, ça n'a pas donné comme on voulait, surtout sur les podcasts. Ce qu'on vous propose avant de commencer cette émission, c'est un petit Ta mère phase 2 enregistré en studio. C'est pas beaucoup plus beau, mais ça sature pas. Alors là, vous écoutez puis vous dites ah mince, à mon avis mes enceintes doivent avoir un petit problème parce qu'il y a un petit décalage entre les différents chanteurs. Non, ça n'est pas vos enceintes. C'est Antoine. C'est bien. C'est bien toute l'équipe. Bah oui, on chante pas en même temps, mais en même temps, on est content de le faire. Oui. C'est déjà bien. Et tu l'entends bien le que la chaleur. Oui, que la chaleur, on s'est particulièrement. Ah, ils sont excités là-dessus, je te jure. C'est moi. Pas enfin, elle, oui. Anaïs, dès qu'on parle de chaleur, tout de suite. Oh là là, chaleur. En chaleur. C'est notre radiateur de. Ça va, peut-être pas. Ah bah on a baissé le chauffage là. Ah bah ouais. Multi-quiz qui arrive dans un instant sur Indestar et de la musique, de la vraie musique. Hein. écoutez maintenant, on part sur Lionel Cassio avec Say to My Face dans Actu Solide. Bienvenue tout le monde. La suite c'est C-T-U-S-O-L-I-T-E-S. Jean-Pierre. Actu Solide, comme mon émission préférée sur Indestar. Bravo Jean-Pierre, vous gagnez un dictionnaire dont vous n'aurez pas besoin pour écouter votre émission. Ah ça c'est vrai qu'on n'a pas besoin du dictionnaire pour écouter Actu Solide. Bienvenue tout le monde. Bonsoir et bon lundi soir. Nous sommes l'équipe d'Actu Solide et on vous vend du rêve. Non. Non, ça dépend, moi je suis l'ASMR là pour le moment. Y'a Teddy qui me regarde avec un air de... Ah bon, j'avais pas prévu de vendre du rêve. Par contre, j'avais prévu de sucer à l'antenne. C'est ça, je fais de l'ASMR si vous voulez. ASMR, alors aujourd'hui. Ah voilà. Là, tu t'es cassé une dent avec ta sucette là, non? Ben. Elle est partie, il a avalé la dent. Le multi-quiz. Pardon. De quoi? Non, avalé, non. Oh. Multi-quiz avec nos. Comment on appelle ça? Les ardoises. Bah, avec nos protagonistes aussi qu'ils ont là. Et les protagonistes, effectivement, j'aime bien les protagonistes, le mot. Je sais pas, c'est toi qui le dis. C'est qui les protagonistes? C'est les terroristes, mais en. De protagonistes. Non, parce qu'on s'est dit qu'en 2020, on a projet déjà d'agrandir le studio, mais ça, c'est pas encore fait. Mais on s'est dit, on va accueillir des gens dans ce studio parce qu'il faut que ça vive. Donc, plutôt que de vous faire un multi-quiz classique comme on le faisait en 2019, c'est has-been, c'est passé. On s'est dit, en 2020, on va faire des questions comme ça, mais on va aussi inviter des gens pour poser des questions. Des questions qui sont en rapport, bien entendu, avec le thème. On parlait de Tang tout à l'heure, hein, qu'on avait invité de Chine, qu'on va laisser dans son pays soigneusement se remettre de sa maladie. On avait invité. Capitaine Crochette. Capitaine non. Crochette. Si, c'était ça. Si, il y avait Capitaine Crochette. Il y a des gens qui sont partis toute l'année et qui viennent. Je sais pas si elle était bonne. On fait de la jambe, un œil, ça fait bizarre. On fait de la radio, on va pas se tête. Elle est pas très symétrique. Hein. Et aujourd'hui, on a invité un journaliste, alors un célèbre journaliste que vous connaissez peut-être. Il s'appelle comment, t'es dit ton journaliste? Il s'appelle Louis Lafont. Louis Lafont, vous le connaissez forcément si vous avez la chaîne câblée qui n'est pas diffusée en ce moment sur vos enceintes. non mais vous le connaissez, il est hors antenne toute l'année et c'est une célébrité. Il nous a préparé une petite question. Il est hors antenne toute l'année mais il est connu. Le vend bien, non mais il se prépare un jour, il sera à l'antenne peut-être. C'est le futur Cyril Hanouna, ça fait rêver. Hein. Ah, je me casse. Oui, on a fait quelques différences. Ouais, nous sommes similaires. Ok. Ah mais vous êtes déjà là. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, comment? Louis Lafont. Louis Lafont. Lafont. Louis. Lafont. Je suis à fond. Oui, vous êtes à fond. Il se gosse. Ah, monsieur Lafont, vous avez une question pour nous. Donc on se concentre, on prend nos ardoises et on note la bonne proposition pour tenter de gagner un maximum de points et ne pas participer au record parce que ça va faire mal. Exactement. N'oubliez pas que c'est un reportage de BFM PV. PV, ouais. Ouais. Attention, ça fait mal. Amende classe 2. Le journal uruguayen, El Telegrafo, donc des collègues à moi. Ouais. Se fait l'écho d'un PV pour le moins insolite, infligé par un policier à une conductrice. Quel est le motif de ce PV? Alors attention, petit A. Outrance à officier territorial, attentat à la pudeur et tentative de corruption. Elle attache plein de ses soutiens-gorge sur sa voiture. Attends. C'est quoi les trois réponses? Bah attends, ce n'était que là, madame. Il faut écouter les informations correctement. Vous répétez la question. C'est les soutiens-gorge sur sa voiture. Ok. Ouais. C'est ça. Petit B. Refus de prendre le numéro de téléphone pour futur rendez-vous. Le numéro du policier, évidemment. Ouais. Tu peux répéter la question. Tu peux répéter. Madame, il faut suivre un petit peu, s'il vous plaît. Il y a un policier, il a mis un PV insolite à une conductrice. Oui, ça... Non, mais j'ai compris, mais juste la B, c'est quoi? Refus de prendre le numéro de téléphone pour futur rendez-vous. Oui, elle a refusé le téléphone du policier. Oui. Le policier a fait de la drague, il lui a dit tu peux me donner ton 06 et puis elle a pas voulu, donc il a appelé. Et la C ? C'est presque du terrorisme à ce stade-là. Petit C, imprudence dans la conduite, circulation sur la voie publique avec beauté excessive. Avec quoi ? Beauté excessive. Beauté. Théo, c'est quoi la beauté? Est-ce que tu n'as Tu vas à Becherel ou pas? Merde, je connais pas, on n'a pas de représentation féminine dans le studio. Pourquoi tu te mets à côté d'Amélie à chaque fois? Je sais pas, j'ai pas fait exprès. C'est plutôt l'inverse, d'après ce que m'a dit mon pote Teddy. Théo a du succès auprès des femmes. Ah bon? C'est ce que j'ai cru. Depuis quand? Évidemment. Non, mais nous on lui dit où sont les femmes? Ce n'est pas moi, c'est une info d'un de mes informateurs qui s'appelle Teddy. Ok. Mais c'est un mytho. Il est parti aux toilettes, Teddy. Il va revenir dans quelques instants. Alors, on a quoi comme réponse? Moi, j'ai mis la B. Mais doucement avec ton ardoise. J'ai mis la C, mais j'hésite entre. Moi, la je B me et fais la peur C. Parce que j'ai mis la même réponse que Jolan. Ouais, ta gueule. La effectivement, c'était pas une bonne idée de suivre Jolan. Faut non. jamais suivre des personnes qui s'appellent Jolan. C'était la réponse C. Ah, c'était la C. Oui. Est-ce que j'ai bon? Mais t'es allé chercher où? C'est la C, il vient de dire, mais putain, mais tu as bon. Effectivement, le policier lui a mis une. Je me disais ça. C'est qui m'a lancé quelque chose? Oh mon dieu. Non, c'est Jolan qui. Ah non, attends, putain. Hé, hey, Jean-Li Toi, à la fin de l'émission, t'as plus de bien filmé. Tu t'es pris dans la gueule. T'as plus... Non, à l'épaule. C'est Jean-Mi qui filme. Genre, c'est pas ça, oui, ça, c'est Jean-Mi. Jean-Li. Il a pas le droit de parler, lui, il parle jamais. Bah non, le caméraman, il parle non, pas. Voilà. Ah, il peut pas. Mais il peut filmer. Il peut pas. Comme stagiaire qui est sous le bureau, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Jean-Mi. Stagiaire 25. Jean-Mi. Non, c'est pas Jean-Mi, ça, c'est Kevin. Bon, merci en tous les cas, monsieur, d'être venu, parce que vous êtes venu en reportage exclusif, vous n'aviez pas le temps. Et pourtant, vous êtes déplacé quand même, donc bravo. Oui. Vous allez repartir à votre hors antenne toute la nuit en direct. Bah, je vais repartir en Chine. Ouais. Ah, bah, bon courage. Oui. On m'a dit qu'il y avait un super scoop là-bas. Je ne sais pas encore ce que c'est, oui, mais oui, oui, oui. Ça a l'air génial. Restez là-bas hein, et venez nous voir beaucoup, beaucoup plus tard. D'accord. Pas de souci, on reviendra. Ou jamais. Ou jamais. Allez, Jean-Mi, on remballe. Allez, on remballe. Et Teddy, tu peux revenir parce que regarde, il a libéré ta place. Putain, quel connard ce type. Je l'aime pas. J'aurais pas dit ça comme ça. Moi, ah bon. On a des invités, on les respecte tout de même. Oh, ouais, j'aurais pas dû l'inviter. Mais fait, en putain, même temps, c'était le seul de dispo. Ouais, c'est vrai. On a les invités qu'on mérite. Jolan, tu as une question pour nous? Oui. Balance ton quoi. Pourquoi? Le beat qu'elle a créé. Non, je trouvais ça bien. Ta référence question à Angèle. Ta Alors, ça se passe en Belgique. Une fois. Voilà. Une fois. Je croyais qu'il l'avait changé. Hein, c'est pas celle-là qui l'avait. Je l'ai changé. Ah bah, mais ça se passe en Belgique. Okay. Il se passe des choses en Belgique. Ah bah, il se passe plein de choses en Belgique. Il mange des frites. Il se trouve qu'il avait un caribou qui avait commandé des frites. Ah non, pardon. Les caribous, c'est au Canada. Pas Belgique, ouais. Justement. Bon. Un automobiliste passe devant les CRS en roulant. À votre avis, petit A. Ah bah jusque là c'est normal. Mais non, mais en roulant, mais je vais vous dire, ouais. Il était ivre, mais il passe devant les CRS en roulant. C'est un automobiliste qui était à pied. C'est ça. A, il prend un sens interdit. Voilà. Petit B, il roule sur sa jante. Petit C, il passe en marche arrière devant les CRS. Attends, comment il peut rouler sur sa jante? Ah oui, bah sur les pneus. Ah ouais, sur les pneus. Sur les pneus. Et la troisième proposition, c'était quoi? En marche arrière devant les CRS. Ça, je l'ai fait. Sérieux, je te jure. Et tu t'es fait arrêter? Non. Non, c'est les CRS qui ont demandé de partir. En fait, l'idée, c'est que j'étais dans une rue à sens unique et j'étais un peu perdu. Et là, je vois des gens derrière et je me dis, tiens, je vais reculer. Ouais. Et je vais leur demander. C'était les flics. C'était les flics. j'ai mis la réponse B parce que je suis constant dans. Bah, Théo, tu as bon, Antoine aussi et Teddy aussi. Ok. C'était la réponse B. Une bonne et une mauvaise réponse pour, pour l'histoire, le mec avait 40 ans, complètement défoncé, il a roulé pendant plusieurs kilomètres, il est passé devant sur la jante. Il a pas il vu s'est les... rendu compte de rien. Il a pas vu les CRS et tout, puis voilà. Non, mais c'est de l'écologie, il achète plus de pneus. C'est clair. À mon avis, la jante doit morfler aussi. Ah bah là. Amel, tu as une histoire à nous raconter. Oh, bien, beau réflexe. Oui, j'ai des bons réflexes. Ça se voit pas du tout à la radio, mais ouais. Alors, pas trop. Hein. Moi, c'est un Malaisien qui vient de Malaisie. Ouais. Oh, voilà. Et là, logique. Et là, c'est le malaise. T'as pas des applaudissements? Parce qu'il a pu manger. Ah non, j'avais dit pas de blague sur la bouffe. Tu t'as dit quoi? J'ai pas entendu. Oh non. Attends, on avait dit pas de blague sur la bouffe. Oui, mais juste avant. Steak. Oh les cons. Alors, Amélie, ton histoire. C'est trop. Ouais, c'est un peu long. Alors, il a été condamné à poster sur Twitter, parce que là-bas, apparemment, ils ont Internet, sans message. Oh, comment ça clash. On s'excuse auprès de tous les Malaisiens. Si t'as un Malaisien qui va nous appeler. Mais on a peu de chance qu'ils nous entendent. Ils sont edge. Non, parce que je crois pas qu'ils parlent très bien français là-bas, en fait. C'est pour ça. Tu rigoles? C'est pour ça. Oui. Voilà, il y a très peu de chances que Indestar soit traduit en malaisien. Oh là là là là, j'en peux plus de cette équipe. Alors, il a été condamné à poster sur Twitter sans message Théo, pendant 3 jours. Tu regardes pas? Non, mais il n'y a pas la réponse. Soit un tweet toutes les 35 minutes. Qu'est-ce qu'il a fait? Petit A, pour avoir critiqué son entreprise. Petit B, pour avoir critiqué sa femme ou petit C pour avoir critiqué Louis Vuitton. Pourquoi Louis Vuitton en Malaisie. C'est ce que je me suis fait la même réflexion. Et bien, il y a de la contrefaçon là-bas. Hein. Louis... Te foutrais-tu pas un peu de notre gueule par hasard? Je me suis dit, ils ont un magasin Louis Vuitton là-bas. Ah. Non, mais c'est un Malaisien, ça veut pas dire qu'il habite en Malaisie. Ouais. Alors, pour moi, c'est la réponse numéro A. Ah, vous avez la B, vous? Je sais pas, ouais. Ouais. Bah, ouais. C'est la A. Oh putain. Ah. C'était quoi là? Pour avoir critiqué son entreprise. Ouais. Ah ouais. Ouais, ils ont des entrepôts. Je vois pas beaucoup. Oh là là là là. On a taclé la Malaisie aujourd'hui. Oui. La semaine prochaine, ça sera, je sais pas, un autre pays. Ça sera la Chine. Antoine, la fois, c'était. Laisse tant que tranquille. On pourra pas, il y aura plus de Chinois la semaine prochaine. Non, mais j'ai eu des nouvelles de. Je l'ai appelé sur Skype hier, il va très bien. Tang, il va très bien, ouais, mais c'était il hier. Il tousse un peu, mais bon, c'est pas... ça. Monte ta question, oui, machin. Ah bah non, mais moi j'ai une question, c'est pas moi qui vais la poser, parce que j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui nous vient tout droit des États-Unis. Alors il est français, hein, mais il vit aux États-Unis, et il est représentant pour une cause assez noble. On va l'accueillir, il s'appelle Jean-Christophe. Bienvenue à Jean-Christophe. Ouais, Jean-Christophe, JC. Permettez-moi de m'asseoir sur cette modeste chaise. C'est mieux que la croix. Jean-Christophe de la Sainte-Nitrade, bonsoir à tous. Sainte-Nitrade. Je suis président au directeur général de l'AICCH, à savoir l'Agence internationale contre la connerie humaine. T'as l'air bien con, mon ami. Et je peux vous dire, il y a du travail, hein. Faites gaffe, vos petits gars d'Actu Solide, là, parce que vous pourriez faire partie de ma liste noire. Ah, hein. Vous parlez de Jolan? Oh, bah. Je suis déjà blacklisté, moi, c'est bon. C'est vrai qu'on a Antoine aussi. Pas que. Alors, cette semaine, nous avons commencé à mettre en place une nouvelle initiative dans un restaurant à Denver, dans le Colorado. L'idée est assez simple, hein, à chaque fois... À Denver, c'est pas Denver, mais... Alors, non, mais c'est son accent. Moi, j'ai l'accent, si vous voulez, bien sûr. De l'Amérique du Sud. Denver. Alors, l'idée est assez simple. À chaque fois qu'un client pose une question qui ne valorise pas, je dirais, l'espèce humaine, en d'autres termes, une question sotte, hein, le client se voit facturer d'un surcoût sur son repas. Vous voyez un petit peu l'idée, hein, qu'on a voulu mettre en place. À votre avis, quel montant avons-nous décidé de facturer justement à la clientèle? Est-ce à votre avis 34 centimes? Alors, j'ai traduit en euros, hein, pour vous, pauvres pêcheurs. Vous puissiez bien comprendre l'enjeu de ce dispositif. Hein, 34 centimes d'euros, 34 euros ou 340 euros à votre avis? Facture au client, surcoût sur son addition finale. Soit. Alors vous avez des réponses. Nous avons les réponses A, nous avons les réponses 1. Il n'a pas compris. Et pour dire, c'est 38 cents. Ah non, c'est la réponse A, pardon, j'avais pas vu, c'était derrière le micro. Ça, dit, réponse A, 38 cents. Je l'ai vu. Eh bien, effectivement, alors c'était 38 cents. Qui a eu faux là Amélie a tout à fait. Bah, Amélie pensait. On peut peut-être le taxer, ouais. 340 euros sur l'addition, ça va peut-être un petit peu beaucoup, mademoiselle. Hein, vous pouvez lui prendre 34 centimes du coup. Mais tu sais qu'il y en avait qui faisaient exprès justement de dire des conneries pour alors, être facturé. Alors, je ne vous permets pas de me tutoyer. Mais oui, effectivement, il y a certains clients qui ont voulu jouer le jeu à fond et qui se sont plaints en fait de ne pas être surfacturés parce que pourtant ils avaient tout essayé et ils n'avaient pas été tout essayé. Voilà, je ne vous permets pas de ah, il y a une et t'en as qui ont essayé à mon avis plus, de ne pas bégaye. Être surfacturés, mais qui ont été quand même surfacturés parce qu'ils étaient cons de naissance. Alors oui, effectivement, nous profitons un petit peu de la clientèle. À Denver, ça va, ça marche. À Denver. Ça marche plutôt pas mal. Et on projette d'établir ce dispositif dans le reste du monde. Voilà, ça fait partie des nouvelles applications de notre cause. Hein, je rappelle, l'Agence internationale contre la connerie humaine. Donc si vous voulez souscrire, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Je vous déconseille en Chine, personnellement. Oh, mais ça marche pas. Pourquoi attaquez-vous ce pays chinois? Parce qu'il n'y aura plus beaucoup de Chinois, donc ça n'aura pas beaucoup de recettes. Vous faites bien partie de la liste, vous. Hein. Bon, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une belle soirée et profitez bien. Et je vous ai à l'œil. Hein. Ok, bah merci bien, monsieur. Ok. Bon, il était sympa, ça dit que tu as. Hein. Il était parfait. Il était assez space. On l'invitera plus. À moi. On en a un autre. Non, on a une question d'Anaïs. Ouais. Alors. C'est une petite fille, donc dont son grand-père est malheureusement décédé. Elle a mangé des Elle a décidé de faire un... Non, elle l'a chié. Oh. Elle a décidé de faire un don, d'un canapé à lui. Ses cheveux, ah non. D'un canapé Ouais. Ouais. À un magasin d'occasion. Ouais. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Ouais. Ok. Donc, c'est un Américain qui l'a acheté, mais qu'a-t-il trouvé à l'intérieur de ce canapé? Ah, je sais, je Est-ce qu'il vu. A trouvé... Du pognon. 43 000 $. Ouais. Est-ce qu'il a trouvé une affiche de Metropolis de 1927, version internationale, d'une valeur de 1 million d'euros? Pourquoi Ou est-ce qu'il a trouvé une boîte remplie de joints, de tabac, de pipes? Quoi? Une petite pépa avant d'aller dormir. Oh, ce jeu, c'est génial, c'est matricial. Bon, alors, nous on a la réponse A. A. Ça, mon stylo ne fonctionne pas. Mais A, elle aurait pu l'inventer alors que la B, elle pouvait pas l'inventer. Mais ouais, c'est trop complexe. Ah, c'est même pas ce que c'est, ce. mais c'est un film. T'as cool. vu les enfoirés? Jolan a dit qu'il avait la réponse, alors j'ai copié sur lui. C'est Il a dit a. qu'il l'avait vu. C'était la réponse A. Pas bête. Bah tu marques affiche très très chère et tu tombes là-dessus. Ah. Bah oui, non mais c'est bien, c'est intelligent, c'est plutôt bien. Va falloir investir dans les Véléda. Oui. Ça va pas du on tout. On a plus de Véléda fonctionnel dans cette émission. Il y a que Amélie qu'il faut surestimer. Sous-estimer. Oui, il hein ah. Ah. On part du bois. C'est déjà le matin. Dernière question, elle est signée Antoine. Oui. Ça va peut-être nous départager. Vous avez combien de points pour le moment, les gars? 2. 3. 3. Ah. Oh putain. Ok. Pour moi c'est mort, hein. J'en ai deux de toute façon. Oui, effectivement. Et il faut combien de gens pour le record? 4. Ah merde. Oh je sais. Ah, tu peux ah hey, c'est chaud là. Vas-y Antoine. Donc moi ça se passe en Vendée. Ouais. Alors Jacques Minier. Oh putain. Il vendait quoi? Oh non. J'ai pas compris. Il vend... Oh, ouais, ah ça sérieux. Se passe en Vendée. Il vendait quoi? Il vend des tas comme Oh putain. Oh mais tais-toi là. Vas-y, vas-y Antoine. Oui, donc Jacques Minier est un pêcheur. Il a senti sans doute le enfin, le plus gros carnassier de France. Faut que t'écris mieux sur tes phrases. Il arrive même pas à se relire le pauvre. Si, je voulais en même temps. Non, tu te relis. De 1m90 pour 13 kg 980 g. Oui. Et quel carnassier est-il? S'agit-il? Est-il? Pardon. Est-ce un bracelet? Le rire. Est-ce un bracelet? Est-ce une jambe? Eh, tu pourras le mettre dans le pod, le rire ou pas? C'est un blanc boss. Voilà. Non, mais il sait pas lire. Attends. Bracelet, jambe ou blanc boss. Non, voilà ce qui est écrit. Attends. Alors A, c'est un brochet. Indéchiffrable, son truc. Mais attends, j'ai pas compris. Bon, plus, en gros, il a pêché un méga poisson. Oui. Mais qu'est-ce que c'est comme poisson? De 13 kilos et des poussières de grammes. C'est un carnassier. En gros, c'est un carnivore. Il fait que 13 kilos ton carnassier? On t'entend pas, en gros, c'est un carnassier. Un carnassier. Mais il est malade! Mais ça n'empêche pas qu'il veut parler dans le micro! Mais c'est un poisson, mais le carnassier c'est un poisson, c'est un carnivore! Ah bon, d'accord! Genre, non, une carpe, il te propose. Mais putain, une carpe, c'est pas carnivore! Une carpe, ça bouffe des algues? Ouais! Il est en train de dire la réponse! Mais attends, une carpe, c'est un carnassier, hein! Non, c'est pas. Non, c'est pas carnassier, c'est. Mais non! Ça bouffe des algues! T'as déjà vu une. Non, mais non! Et quand tu fais sucer ton doigt à une carpe? La suce! Oh, tu sais, il y a des gens, il faut pas que tu sais leurs doigts avec. Oui, j'ai vu des vidéos assez explicites quand même. Bon, okay. Revenons à nos moutons si vous le voulez bien. Donc, de quel carnassier s'agit-il? Oui. Donc, petit A, un brochet. Petit B, un cendre. Ou petit C, un black bass. Un black bass? Oui, ça existe. Ouais, c'est il est noir et il est basse. Pardon. Mais il faisait combien ton poiscaille? 13 kilos et des poussières de grammes. Quasiment 14 kilos pour 1m13 kilos. Il y a des silures, ils font bien plus gros que ça. Ouais, bah... Mais pour un carnassier en France, c'est. Bah, des silures en France, il y en a, hein. Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule, là? Je sais pas. Bon, c'était quoi la bonne réponse? Bah, attends, je vais mettre la. Attends. Oh, putain. Je veux marquer la C, bon, ça marche pas. Vas-y, mais en plus, ça a copié sur moi, je suppose. Ouais. Bon. Non. Et bah, c'est la réponse B. Yes. Ah, voilà. C'est un sens. Voilà, en plus, tu copies et tu recules de la merde. Alors, qui a deux bonnes réponses? Bah. Moi j'ai 3 points. Antoine. Donc Teddy, Antoine, déjà tu participes au record. Ah bon? Jolan, tu as combien de points? On est égalité avec Teddy. 3. 3, et bah moi aussi. J'en ai 4! Ah alors, Jolan. Teddy. Et ça va être le combat masculin. Théo, non mais attends, il en faut d'autres. Amel, t'as combien? Mais non, mais moi je peux pas jouer, je te rappelle. Ah, mais attends, elle a un problème non. De tendinite. Ça se passe pas comme ça, t'as combien? 3. Mais je sais pas, j'ai même pas compté. T'es sérieuse? T'as 0. Donc... Mais elle a un problème de tendinite. Mais, oui, non, mais attendez. Ouais, j'ai des problèmes de genoux et je suis obligé. Vous me faites la faire la chaise de burger alors... Oui, non, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que Amel, on va le faire à la place. Quelqu'un va se proposer à la place d'Amélie. Anaïs. Mais elle devra un record non, à quelqu'un. Trop, quoi. Voilà, comme moi, Antoine. Non, mais on est 4. J'ai gagné. Parce que j'ai que 2 points. Oui. Qu'est-ce que je fais? Non, mais en vrai, je crois que j'avais 0 en plus. D'accord. Donc, voilà, tu vois, Amel. Antoine, qui est-ce qu'il y avait d'autres? Donc nous on est à égalité, il faut combien de personnes? Non, moi, pour le record? Moi j'ai 4 points. Oui, oui, d'accord. On avait compris que tu avais gagné. Non, mais oh bah, ça joue entre nous trois en fait. Oui, mais il faut combien de personnes pour le record? 4, on a dit. Donc il faut que 2 sur 3. Mais non, mais donc là il en faut 2 autres. Il faut 2 entre moi, toi et Jolan. Non, moi j'ai plus de points alors je fais pas. Mais on n'a pas dit toi. Pardon. Ta gueule un peu là. Oh. Après, toi tu as la possibilité d'échanger avec Amélie. Non. Tu ne veux pas. Sinon, on fait un chifoumi. Hein. Tu ne veux pas. Donc, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un d'autre qui, parmi les perdants. En fait, on va participer tous les trois. Mais on va quand même tirer au sort pour savoir qui remplace Amélie. Qui remplace Amélie. Voilà, comme ça, on et aura du coup, pas ça joue entre qui de qui remplace moi? Eh bien, Jolan, Teddy ou moi. Voilà. Alors, donc on a. De toute façon, il y en aura on participera tous les trois. On sait déjà que l'épreuve, ça sera Antoine, Jolan, Teddy et Théo. Mais non, il y a Anaïs. C'est 4 points. Ah oui, là vous décidez qui c'est avec qui je dois quelque chose. Exactement. En gros, c'est ça. Qui tu suces. Ok. Qui tu... La tête qu'elle a fait. Elle a pas dit non par contre. Alors. Oh, non. Je prendrai pas Jolan parce que Jolan, son ex lui a dit qu'il avait une grosse bite, mais que c'était un mauvais coup. Qu'est-ce que. Alors du coup, non, je veux pas trop Jolan. D'un côté, tu devrais être flatté, j'ai mal au bras. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ça, c'est la branlette. Ah, je l'ai plié. Il faut plier les autres. Alors, on se grouille, on plie parce que à l'antenne, c'est un petit peu long là. Mais j'ai mal au bras. Ouais, mais non, mais d'accord. Faut arrêter de branler ton mec. Pardon. On se calme. 21h40, Jolan. On n'a pas un truc que tu ne connais pas ou que tu fais toi-même, s'il te plaît. Alors, moi, j'ai les deux je peux tirer. Pardon. Allez, c'est Anaïs qui pioche. T'en pioches un. Le premier, c'est. T'as la main innocente. Quelle main? C'est qui? C'est marqué quoi? Teddy. Chef. Ouais. Bah non, justement. Ah non, tu le fais pas. Si. Je le fais, mais elle me doit quelque chose. Donc non, du coup, je pourrais lui faire un record. Mais non. Non, Teddy, tu participes. Tu partis obligatoirement. Non, celui qui devra un record, c'est celui qui n'est pas tiré. Là, on va en tirer un deuxième. Voilà. Oh, mais je croyais qu'on tirait juste avec la chance que j'ai. Avec la chance que j'ai, c'est moi. Non, j'ai tout misé là-dessus. Ah non, on recommence, c'est faux. Théo. Voilà. Donc Jolan, oui. tu as la possibilité d'échanger. Non, avec je dis pas Jolan. Amélie. Et du coup, la prochaine fois, si tu ne veux pas participer au record et que voilà, bah, on pourrait échanger. D'accord. Ok. T'es ok? Ok. T'as compris? Oui, j'ai compris. C'est bien. D'ici là, tu te rappelleras plus. Si. Je vais même le noter dans mes notes. Moi, je. A le droit de changer avec Amélie. Je sais très bien que Antoine me doit un record, par exemple. Ah bon? Bah oui. La semaine dernière, la corde à sauter, rappelle-toi. Ah oui, oui, ah, oui. Pas, ouais, c'est. Je m'en souviens pas. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait toujours pas la vidéo sur. Non, elle va bientôt arriver la vidéo sur les réseaux sociaux. Notre record de la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai hâte de le voir. Parce que ma performance était quand même exceptionnelle. Ouais. Et 59. T'as pris des granulés après? 59. Non, même pas. J'avais un petit peu de courbature le lendemain, mais ça reste raisonnable. Honnêtement, ça reste raisonnable. Donc, tout à l'heure dans le record en deuxième heure, nous aurons Antoine, nous aurons Jolan, Teddy et Théo qui vont participer à une sorte de yoga challenge. Ça sera filmé et retransmis sur la page Facebook. D'ailleurs, sur cette page Facebook, vous pouvez voter pour l'objet mystère. Aujourd'hui, on vous donne deux propositions. Vous avez jusqu'à tout à l'heure pour voter. Je peux pas en placer. Non, mais tu voulais réagir. Mais non, il fait un monologue. Jolan, c'était par rapport à ça? Mais non. Non, bon. C'était inintéressant. Oui, bon, alors voilà. Et si on peut nous appeler aussi? Oui, comment on fait? Bah, vous prenez votre téléphone et vous tapez le 09 70 407 306. Voilà, et est-ce que c'est payant? Non. C'est gratuit. Mais si vous voulez m'en donner, je suis pas contre. De non. Quoi? De quoi? Pardon. D'en donner, on sait pas quoi. Ah, dis pas non, donnez. Donnez-moi. Une pièce, s'il vous plaît. Une pièce. Elle prend tout le liquide. Quel liquide? Tripping on Earth. Je prononce bien ou pas? Non, très mal. On s'en fout, personne t'a écouté. Tripping on Earth, c'est Amber and the Dude. Est-ce que pourquoi tu peux me dire pourquoi il y a marqué Sia entre parenthèses? Je sais pas si tu me trompais. C'est pas du tout une reprise de Sia, Tripping on Earth. C'est une originale signée Amber and the Dude. Et c'est maintenant sur Indystar. Je sais pas ce que j'ai branlé. Moi non plus. Amber and the Dude sur Indystar et dans Actu Solide. Ils sont nombreux, ils parlent en même temps et rigolent fort. C'est Actu Solide sur Indystar. Steak! Ouais, vas-y, refais-le. Steak! Ouais, non, non, ah, mais elle le fait bien, elle. Ah, mais attends, je l'ai plus dans la peau là. Steak! Steak! Ouais, je préfère ton rire. Hein. Steak! Oh putain. Steak. Ouais, là, non, c'est mais là, bien là c'est violent. Non, steak. Qui t'a dit qu'il faut pas être violent? J'aime bien, j'aime bien. J'aime la violence. Non, c'est abusé là. Mais toi aussi, on sait qu'il y a du talent dans cette émission. Mais il y a du talent, oui. Le talent d'Amélie, c'est surtout de rire. Ah ouais. T'as un rire de serpent. Exactement. T'as son rire, hein? Ouais, t'inquiète, on l'a. Non, mais vous avez pas le balancer. Attention, ceux qui ont des écouteurs, baissez le son. Tata, n'écoute pas. Baissez le son. C'est ça? Alors ça c'est le rire de la nuit. Rire de sorcière, c'est qui vient de jeter un sort. Tu sais qu'en plus mon rire il change toutes les semaines. Ah c'est vrai, t'as un rire évolutif. Ouais, de ouf, mais plus ça va, plus c'est de la merde en fait. D'accord, et bah super, à la fin de l'année on aura un super rire qu'on pourra réenregistrer et qu'on utilisera. On va avoir une banque de données. T'as le rire d'Anaïs, hein. Je sais pas si tu l'as entendu tout à l'heure, mais il était magique. Il était énorme aussi, mais c'est dommage, on n'a pas pu l'enregistrer. Ah. Quel dommage. Quel dommage. En parlant d'enregistrement, vous pouvez retrouver cette émission en podcast. Oui, yes. Très belle transition. Quelle transition. Oui, tout à fait, j'en profite, toutes tes opportunités sont bonnes. Je mange à tous les râteliers. Non, mais il n'y a rien de crade là-dedans, putain. Non, il n'y avait pas d'allusion. Mais pourquoi tu souris alors? Tu te prends pour un râtelier ou quoi? Oh. Mais non, pas du tout. Mode de vie insolite, comme toutes les semaines, on fait le tour de la Terre et ouais. On voit un petit peu quelles sont les façons de vivre les plus originales c'est sur cette quoi, Terre. Et ben ce soir, c'est Anaïs qui nous. Ah, j'avais envie de dire une connerie, putain, mais sur ta nuit. Bah dis-la, c'est bon, tu viens ta de... Ta mère, le râtelier. Ta mère. Ta mère. Moi, j'avais dit à ta mère qui répond à l'interphone, tu vois, mais... Ah. Oh. Non mais allez-y là, non, en vrai c'était nul. Bouh. Alors Anaïs. Alors, c'est un bonhomme qui s'appelle Philippe Gillet. Gillet comme Gillet jaune. Gillet jaune. Il a. Elle était pourrie ma blague, elle a chié. Y'a personne qui a rigolé. Mais si tu rigoles. Pourquoi t'as dit quoi? J'ai même pas entendu. Hein. Ils ont dit Gillet jaune. C'était pourri. Ah oui, elle a un rire évolutif, effectivement. Et tu sais, en parlant de Gilet, ça me fait penser à Gilles. Et il paraît que le prénom masculin à donner à son enfant pour qu'il réussisse dans la vie, c'est Gilles, si vous avez un garçon. Ah non. Ah non, non. Jamais j'appellerai mon fils. Ça, c'est un nom de boomer, ça. Non, bah non, j'ai un pote qui s'appelle Gilles. Bah, il est vieux, forcément. Non, il est plus jeune que moi. Mais, pour arriver dans les hautes sphères, et bien gagner sa vie, il faut l'appeler Gilles. Ah, mais ça, c'est parce que c'est des vieux. Je me suis posé la question, je me suis dit, si j'ai une fille, est-ce que je l'appelle Gillette? Genre la perfection féminin, tu vois. Bon, bref. Enfin, je crois qu'on va rendre l'antenne de comme ça. Donc c'est monsieur Philippe. Donc il a 69 ans. Ouais. Il habite à Nantes, plus précisément au Quai. Ouais. Quai. C'est à Nantes. Au Quairon, Quairon, Quainon, je sais même pas ce que j'ai écrit. Ouais, bon, c'est à Nantes quoi. Et donc en fait, il a créé une association en 1996 qui s'appelle InfPhone. Dans ton téléphone? Quoi? Non, hit phone, ça veut dire la nature. La faune et la flore, quoi. La faune. J'ai compris autre chose. Putain, moi j'ai compris, mais. Putain, mais ils sont nuls. J'ai compris in phone, moi. Et donc, en fait, si tu veux, dans le téléphone. Ça a pour but de protéger et d'apprivoiser surtout les animaux. 96. Ta gueule. Les animaux les plus dangereux de la planète. Ouais. Genre qui vont être issus de trafic, d'abandon et qui vont lui remettre les zoos, les associations, la police et tout. Mm-hmm. En fait, son but à lui. Attends, si tu veux, lui, il a. il a environ 400 animaux, genre. Ah, chez lui? Des reptiles. Ah, j'aime pas. C'est génial. Et genre, en fait, pour lui, le but d'avoir tous ces animaux, c'est de faire connaître les animaux. Mmh. Qui... À travers mais leur tu vas dans un zoo comme ça. C'est ce que j'allais dire, mais... Roland. Tu vas aux zoo. Non, mais c'est pour le faire. Le mec, il a fait un zoo dans son salon. Et je peux finir. C'est pour faire connaître, en gros, les animaux et lutter contre le rejet de ces bêtes. En gros, il veut faire connaître les animaux qui sont considérés comme dangereux, tu vois. Mmh. Mais tu sais que j'ai vu un truc un peu similaire, je crois que c'était au Japon d'ailleurs. Et il y avait un mec qui se baladait avec un alligator avec une laisse dans les rues. Il était apprivoisé le truc. Il y a des passants qui faisaient des câlins à l'alligator. Et regarde, un incroyable talent. C'est la dernière, c'est sorti, je crois. Mais alors, le mec qui dressait des crocodiles. Il y a pas existe, des restrictions. Il y a Crocodile Landy. Non, mais il y a pas des restrictions par rapport à ça. C'est-à-dire, pour avoir un croco à la maison, c'est quand même. Par contre, c'est tout un. Parce que moi, j'ai un enchaînement administratif très complexe. D'accord. Ouais, bah oui. Il faut avoir des permis comme. pour les chiens par exemple, les staffs et tout, faut avoir des permis spéciaux. C'est, ouais, c'est normal parce que ça reste très dangereux. Alors moi autant j'ai un polo Lacoste, j'ai pas de soucis. Putain, merde. Tu vois, ah, mais si t'as un vrai animal chez toi, ça peut être compliqué. En France c'est pas possible d'avoir des crocodiles, à moins d'avoir comme il fait là. Bah c'est en France hein. Bah c'est à Nantes, oui. Putain, ils sont que... dire ils sont à que... moins d'avoir un si truc je me trompe comme ça, pas, mais... ils sont tu que deux... Tais-toi, ils sont que deux en France, tu vois, à avoir un crocodile chez eux. Oui, parce que c'est interdit, okay. Sinon. Et comment ils font pour avoir une autorisation? Il faut être dresseur de croco? C'est pas... Bah en fait, bah... non, parce que tu peux pas être dresseur de croco en France. Tu peux être ça dans d'autres pays, parce qu'en fait, le crocodile n'est pas natif de France. Non. Donc en théorie, tu n'as pas... Tu n'as aucune raison d'élever des crocodiles en France. Oui. Si tu veux être éleveur de crocodiles, tu vas dans un pays où il y a des crocodiles. Oui, mais alors pourquoi le Nantais la dispose d'un permis croco? Lui, il les a récupérés de la contrefaçon. Donc quelqu'un les a rapportés en France, et lui, il les a récupérés parce qu'ils se sont fait choper par les flics, je pense. Un truc du genre. Et après, il peut y avoir plein de raisons pourquoi on a apporté un croco en France. J'en sais rien. Des oui, sacs à main, croco, des Louis Vuitton. Voilà. Voilà, ah donc, oui, ça me rappelle la chanson qu'on chantait quand on était petit, ça. Et deux mecs qui ont des crocos, ça doit être ça en fait. Ils ont dû la récupérer d'une manière ou d'une autre. Et l'État a décidé, oui, tu peux les garder, c'est une bonne action que tu fais. Je peux continuer? Vas-y, non. J'explique. Merci. Juste le point non, de vue. Non, mais c'est intéressant. Et donc. Ça marche avec tous les animaux par contre. Pour commencer, dans son jardin, il a un. Bah, je sais pas comment on dit, varan. Varan, varan. Ouais, varan. C'est varan, un ouais. Espèce de dragon. Crocodile, un peu comme. C'est pas un dragon, c'est un lézard. Ouais, mais il y a une espèce de dragon qui... ça n'existe si, pas. Si, si, si, il y a une espèce non, de dragon, espèce qui de le dragon Komodo. Komodo. Oui, voilà, c'est un peu comme ça, c'est un gros lézard. Alors non, c'est l'inverse. C'est le dragon Komodo, c'est un gros varan. J'ai une anecdote sur les varans, je vais le faire vite. Oui. C'est quoi, je peux finir mon histoire, non, moi? Non, mais tu vas la finir. Non, mais attendez, il y a quelque chose qui... Mais oui, en plus, ça va être varan. Non, mais... Il y a quelque chose qui m'échappe là quand même. Vous dites un dragon, ça existe? Dragon de Komodo. Dragon, c'est non, le nom c'est du la varan. Race. Ouais, le varan, c'est une. On est d'accord que c'est un gros. T'as un varan qui est inoffensif, c'est t'as celui-ci dont on parle qui est très agressif. Non, il peut cracher autre chose, mais pas du feu quoi. Par contre, sa morsure peut être mortelle. Et du coup, pour en revenir à ma petite parenthèse, tu sais que j'ai beaucoup voyagé en Asie et je suis allé à Bali il y a une dizaine d'années. Et on marchait sur un petit sentier pour aller sur la plage. J'ai marché sur un dragon, non. J'ai pas fait exprès. Et en fait, t'imagines, tu vois, t'avais deux gros murets sur le sentier, et puis on entend un boucan, mais pas possible. Et là, tu vois un gros lézard, c'est un varan du coup. Il se stoppe sur le chemin, on était tous les deux avec mon père, le varan nous a regardé. On n'a pas bougé d'un poil, je peux te dire qu'on a flippé, et après, il est reparti. Il s'est pissé dessus du coup. Dans quel pays? À Bali, en Indonésie. Et il s'avère que ces varans là ils sont c'est pas un Komodo. Ils sont à Bali c'est en Asie hein. Ouais. Mais ouais, du coup mais c'est où l'Indonésie? Bah c'est en Asie. C'est en Asie. OK, en fait c'est que ça dans l'Asie, il y a l'Indonésie et dans l'Indonésie il y a le Bali. Oh putain. Mais non, Bali c'est la ville. Mais il vient de me dire ouais, mais c'est en à peu près ça mais en gros en Indonésie t'as la capitale on va dire c'est Bali. Oui voilà, c'est ça. Et du coup, il s'avérait que ces varans là qu'on a croisés ils sont inoffensifs. On a eu de la chance heureusement. Parce que ça va à 40 km/h, ces bestioles. Les varans, ils peuvent être toxiques. Ça court à 40 km/h. Ça peut être toxique. Leur morsure, ça peut être toxique. À cause de leur régime, vu qu'ils mangent des serpents. Ils mangent des serpents, des vipères, tout ce qui est toxique en fait. Attendez, parce que là, je viens d'avoir une image là. Ils font peur, hein. Mais c'est surtout qu'on dirait un dinosaure le truc. Ouais, non, mais c'est un dinosaure. C'est fou ça. Il y a des choses comme ça qui existent. Ouais. Bah oui, toi. Et t'en as qui peuvent peser à 60 kilos, 70 kilos. Oh. Ah ouais, non, mais c'est. Et franchement, j'avais jamais vu ça. Je pensais pas que ça. Pour moi, c'était à l'époque des dinosaures. Ouais, non, mais c'est impressionnant comme bestiole. Et ça mange des serpents, des vipères, des anacondas, tout ce qui est. Serpent comme ça, vipère, et c'est pour ça que leur morsure peut être mortelle. Parce que eux, le venin des serpents et tout ça, c'est pas toxique, enfin ça leur fait rien. Mm-hmm. Par contre, ils l'ont en bouche, je peux dire que tu meurs. Moi, tu vois, ouais. Bah du coup, j'ai regardé un reportage sur lui, normal. Ouais. Et puis, si tu veux, c'est une meuf pour interviewer en fait. Elle va chez lui pour rencontrer tous les animaux. Ouais. Elle commence à caresser le varan, bon, il dit rien. J'aurais pas fait, hein. Non mais ça va. Il est tout mignon. Ouais. Et puis ça a pas de dents spéciales. Et genre comme pour dire en gros à Monsieur Philippe, genre tu touches pas la meuf. Il était comme ça, tu vois, c'était rigolo. Ouais. J'ai pas compris. En gros, comment te dire, genre la. C'est qui a fait la fille, elle a caressé le baron. Oui. Ouais. Et lui, il vient derrière le caresser. Et tout. Le monsieur. Oui. Le propriétaire c'est du varan, ouais. Et genre, lui, comme pour se montrer possessif, envers la fille oui. pour dire ouais, vas-y, j'aime bien, tu touches pas. D'accord, ok. Donc bon, il l'a fait savoir, ok. C'est mon morceau de viande. Pardon. Ensuite, il a dans son salon deux alligators qu'il a depuis 17 ans. Ouais. Donc ils ont actuellement 25 ans à peu près. Hein. Mais au moins, il n'a pas de problème de cambriolage. Ah bah là, non, clairement. C'est deux frères. Et en fait, tu veux, les ont eu. Bébé. Est-ce que j'ai marqué derrière? Ils les ont eu, tu sais, dans une sorte de ferme, tu sais, pour récupérer la peau des alligators. Et en fait, eux, ils avaient, si tu veux, la peau. Sur la peau, ils avaient des cicatrices, des machins. Mm-hmm. Donc, bah, ils en voulaient pas, quoi. Mm. Eux, ils ont pas peau, pu faire leur sac à main. Et au final, lui, quand il les a vus. Bah, genre, à ton avis, c'est pourquoi faire il y aurait eu un défaut. Mais genre, lui, tu vois, genre quand il a vu les alligators, il est tombé genre amoureux, il a eu un coup de cœur. T'es ouais. Camin. En gros, il les comment a pris... Comment tu peux tomber amoureux d'un alligator? C'est mignon quand non, c'est mais petit. Genre... non, mais il a eu un coup de cœur, je pense qu'il a eu un peu de la peine, tu vois, pour ces deux bêtes. Ouais. Et au final, il les a achetés 5000 euros pièce. Mon de Dieu. Ouais, ouais, ça va, déjà, hein. Moi, je donne pas un sou pour actuellement, acheter un alligator. Actuellement, un alligator, c'est entre 3 et 4 000. Déjà, quand t'as ton chat Raoul, t'as peur de lui, j'imagine. Non, Raoul, non, il est tout mignon. Mais genre lui, il les caresse. Non, attends, moi les j'ai vu, des, je vous avais raconté, hein, j'avais vu des reportages sur les alligators. C'est méchant, ah ces oui, c'est agressif. Ah, franchement, j'ai pas envie d'avoir ça, ça chez dépend, moi. Ça dépend, ça dépend. Ils ont été toujours été avec l'homme. Oui, non, mais après, ce qu'il faut, c'est toujours un peu de putain, il les habitue avec oui, l'homme. Oui, non, mais il faut. Parle autrement en radio, s'il te plaît. Il faut se rappeler que c'est un instinct animal, donc ça peut devenir tout. Même s'il a la chance, même s'il a l'habitude de vivre avec les humains, il peut, comme les chiens, par exemple, il peut péter un câble et il peut. Mais il les habitue. Et paf. Non mais les habitués avec non, mais les mes humains. Chiens, ils vont qu'est-ce pas bouffer, qui est pire hein. D'après vous c'est pas un alligator. Oui mais Jolan un animal ça à des chiens. Qui est carnivore et qui du coup va manger de la viande et du coup bah on est potentiellement de la viande ou alors bah, un herbivore steak, qui va t'attaquer alors qu'il mange pas de viande. Pourquoi un herbivore t'attaquerait pour manger parce de la viande? Parce que les hippopotames sont une cause bien plus mortelle. C'est les plus humains, c'est les alligators et crocodiles réunis. C'est les animaux les plus violents. Alors qu'ils mangent pas de. Non. Ah mais c'est bizarre, c'est comme si un vegan était cannibale. Exactement. Non mais arrête. Voilà, ils sont très territoriaux les hippopotames. C'est horrible. Non mais j'imagine le rapport. Vegan. Ils sont très territoriaux les hippopotames alors que les crocodiles alligators ils attaquent pas pour être violents, ils attaquent juste pour manger. Ouais, après, ouais. C'est violent comment ils attaquent. Mais oui, ouais, j'ai vu des attaques sur des animaux. Enfin, Ah, les alligators, ça va, c'est un truc de fou. Il faut savoir qu'il a mis un an à les dresser. Ouais. Oui, mais bon. Il s'est fait bouffer trois bras. Non, il s'est jamais. Depuis quand l'être humain trois bois. Non, il s'est jamais. Trois bras. Pardon. Il avait cette Tchernobyl. Il s'est jamais fait mordre. Ouais, alors ça, c'est ce qu'il dit après. Ouais. Non, mais après, il va pas mentir, ça sert à rien. Et vois. Votre pouce là Non, il a disparu comme ça dans un accident domestique. Bon, je continue, sinon on n'est pas prêt de finir là. Alors, il a une salle exprès dédiée pour les venimeux. Ouais. Tout ce qui va être champignons. Des trucs comme ça. Il fait du compost. Pardon. Les serpents sont dans des boîtes. Oui. Bah, sauf les plus gros sont dans des vivariums. Oh, mais les pauvres, des boîtes. Il a une tortue de 50 kilos. Oh, il a des migales, des scorpions. Oh, alors, là, là, petit là, truc là. Sur les scorpions. Ah, est-ce que je peux juste dire un truc? Oh, Lilou. Quoi? La tortue, elle a pas un bon IMC. Hein, parce que pour ça, 50 kilos, ça va. Bah, si, parce que comparé à sa taille, son poids est tout à fait normal comparé à toi. Mais non, elle est pas Bah, oui, mais c'est normal qu'elle fasse 50 kilos. Alors, Amel fait référence à l'IMC. Parce que on voulait pas en parler hein, dans cette émission, mais t'as été voir le docteur. Mais non. Et t'as dit, madame, vous avez un problème d'IMC quoi. Mais oui, mais un petit problème de poids. Juste parce que j'ai 4 kilos en trop, mais en gros t'enlèves mon cul et mes seins et c'est bon quoi. Bah non, ouais. Bah non, elle est déjà décomptée ça. Mais après, je pense que c'est pas ce qu'il faut enlever si tu veux continuer de séduire. Tu vois. Tu peux garder la tête. Ah bah y'a rien dedans hein. Bah justement. C'est pas ça qui pèse le plus lourd. Mais ça c'est sûr. C'est peut-être ce que t'as bouffé pendant les... peut-être. En vrai si c'est 4 kilos, c'est ce que t'as bouffé pendant les fêtes quoi. C'est trop de bûches de Noël. Et tu vas les perdre cet été pour aller à la plage. Mais bien sûr. Tu t'es pas acheté un vélo d'appartement récemment? Non, là acheté une raclette. C'est pas... J'ai troqué mon vélo d'appartement contre un appareil à raclette. J'ai fait une bonne affaire. En vrai j'ai vraiment acheté un vélo d'appartement. Ouais. J'ai été le chercher. Et je commence à pédaler et je fais putain, ça doit faire une demi-heure que je suis en train de le faire et tout, trop forte de moi. Je suis trop forte. Ça faisait que 5 minutes. Et en fait, ça faisait 3 minutes. J'étais là en mode oh putain. Ah, et du coup, j'en ai fait un quart d'heure, je l'ai déposé, mais j'ai eu des courbatures au cul pendant 3 jours. Ah, mais il faut le faire régulièrement et petit à petit. Ouais, une demi-heure de vélo, ça tu perds. Même 15 minutes, pfff. Attends, ça dépend. Parce que sur l'appartement, tu peux régler la dureté du truc, l'intensité. Et non, ça tue. Hein. Pour le cardio, ce qui est bien, c'est le rameur. En vrai, c'est cool ça. Le rameur. Tu sais, tu. Le rameur, c'est ce truc bizarre là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu parles, toi, monsieur musculation qui a fait 3 jours en musculation. J'ai fait un mois de muscu. T'as fait un mois de musculage. Il y a une fois par tous les deux. J'y allais tous les jours. J'allais pas. Oh, mytho. Oh, le mytho. Non, moi j'ai fait les démarches pour m'inscrire et j'ai fait du sport. J'ai fait la démarche pour m'inscrire. Ouais, ça a duré un mois. T'as souscrit ça a quand même duré un mois. Mais tu sais que quand tu souscris à un abonnement, ça veut pas dire que. C'est le début d'une arnaque. J'y suis allé quoi. J'ai rentabilisé mon truc. On pense à vous, à tous ceux qui ont souscrit un abonnement début janvier pour les bonnes résolutions et qui là. Ou qui ont acheté un matériel de sport. Ou qui exactement. Et qui traînent fièrement dans la salle à manger et vous savez pas quoi en faire, vous avez posé vos vêtements dessus. Des photos Insta. Vous avez fait une petite photo Insta le premier jour. C'est ça. Ensuite, vous avez commencé à vouloir repasser du linge, mais vous n'aviez pas la place pour le mettre. Vous l'avez étendu dessus. Et là, le truc, il est recouvert de linge. Et quand vous voulez en faire, le peu d'intérêt que vous avez pour l'objet, vous dites oh bah non, c'est trop bête, j'ai du linge dessus. Donc vous avez abandonné cette idée. Et dans 2 mois, vous le revendez sur le bon coin. Il y a des bonnes affaires pour le printemps à faire. Petite question, Théo. Est-ce que le téléphone fonctionne? Ah, mais bien sûr qu'il fonctionne. D'accord, ok. Pourquoi ne fonctionnerait-il pas? Parce que j'ai un compère qui me dit que. Mais arrêtez de parler comme un vieux là. On est pas joignable. Si, on est joignable. Bah, dites donc. Est-ce que tu peux redire le numéro aux auditeurs? On va redire le numéro 09 70 407 306. Voilà, 09 comme. Mais après, s'ils veulent le mien, 06 41. Non. Si tu veux, je le lis. La fille, elle a la dalle. J'ai de faim. 06 14, essayez de trouver le reste. Même c'est le mien. C'est un navigateur, la fille. On a le top objet dans un instant. Mais j'ai toujours on est pas à la bourre, fini, les moi. Gens. Ah bah oui, vas-y. Mais arrêtez de parler aussi. Oh, on a juste 20 minutes de retard, mais c'est tout. Donc je disais, donc il a des tortues, des alligators qui ont leur propre bassin dans le jardin. Tu veux pas des scorpions? Oui, ils ont des scorpions. Enfin, génial. Il a des scorpions. Non, petit truc très intéressant. Oui, t'inquiète, je les connais tous. Quand tu les mets sous la lumière noire, ouais. Ils sont fluo. Ouais, mais c'était pas le truc vraiment ouf. Ouais, le truc. Alors, la lumière noire, c'est quand t'as ça en discothèque ou on parlait l'autre fois en laser game. Et là, ils sont fluo, les scorpions. Ah, c'est marrant. Alors, la lumière noire. Quand ils ont des grosses pinces et une petite queue, ils sont peu venimeux. Quand ils ont une grosse queue et des petites pinces, ils sont venimeux. Faut faire attention aux grosses queues. Donc je suis très venimeux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, des petits trucs sur l'alligator. Ouais. Quand ils entendent le bruit de l'hélico, ils rentrent tout de suite dans la maison. Genre, ils ont peur. Parce que le mec a un hélico. Ouais, c'est ça. Non, mais quand ils entendent le bruit d'un hélico qui passe. D'un hélico. Un hélico. Et quand il y a de l'orage, ils viennent dormir avec lui. Sur son lit. À côté. À côté. Parce que les okay. Parce qu'ils ont peur de l'orage. C'est ça. Et écoute. Ouais, c'est tout, merci. Ils mangent des croquettes. Quand ils ont faim, ils viennent mordiller ses petits pieds. Oh! Ah. Ils mangent un autre pied! Mais ils l'ont jamais mordu! Hein. Mais, non, mordillé, mais ils l'ont jamais mordu! Après, genre, quand tu vois dans le reportage où ils sont. Il a tous ses deux pieds! Non, t'as quand même plusieurs personnes qui l'a interviewé, donc tu vois que les alligators ils sont tout mignons quoi, ils bougent pas. Ouais, ils sont mignons les alligators jusqu'au moment où crac! Ouais. Non, en 17 ans, il n'y a jamais eu de problème. Bon, c'est les alligators ils chassent plus dans l'eau de base. Oui, tu parlais des. Ils chassent dans la baignoire. Tu parlais des reptiles tout à l'heure. Moi j'ai vu enfin c'était une info sur internet. Après je sais pas si c'était un fake news ou pas, mais il disait que dans cette info là un serpent s'est évadé de son vivarium. Il s'était échappé dans la maison. Ils avaient pas réussi à retrouver le serpent. Ah bah oui, c'est Maïtika. Ah vivant, et c'était un, comment on appelle ça, un anaconda? Non, c'était un boa constricteur. Tu sais les trucs ah ouais, c'est pas très dangereux mais... Bah tu rigoles? Non, bah, si ça peut moi je suis oui, voilà, mais en gros, tu peux y aller, il va pas vraiment beaucoup te perdre. Non, c'est pas dangereux, mais j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Je suis allé en Afrique aussi. Et Ah, mais l'autre, il nous balance son pognon. Bah, non, c'est pas mon pognon. Il y a vécu 30 ans et c'est là où il dans a les campings sauvages. Enfin, on a dormi dans les campings sauvages où il y avait le parc à côté, du coup, les animaux étaient en liberté, forcément. Et le gardien nous faisait le tour du camping, la visite, quoi, et il se baladait avec un fusil. Et mon père lui demande, mais pourquoi vous la baladez avec un fusil? C'est original, un gardien. Faire le tour du camping, effectivement. Et ouais. En fait, il a expliqué que il regardait dans les arbres parce que les boas, justement, ils attaquaient. En fait, ils tombaient des arbres. Dit, ouais. Et après, ils attrapaient leur proie. Et puis, ça te sert très fort. Là, c'est le problème de l'avoir dans ta maison où tu sais pas où il est. C'est que quand pendant tu dors, ton sommeil, voilà, il te défonce. Ah, horrible. Ah. Mais quand t'es vivant, si vous êtes à 3-4 humains, il peut rien faire. Non, c'est inoffensif. Je sais pas par contre si vous avez vu ou pas le. Attends, c'est moi. Vous avez vu ou pas la vidéo où c'est une femme qui avec son serpent, genre très très grand, hein. Et elle dort avec et tout, et puis à un moment, putain, elle s'aperçoit que le serpent il mange plus. Elle l'emmène au veto, et au final, il faisait de la place pour justement bouffer la meuf. Oh là là là là. Et tu vois comme quoi c'est vicieux. Hein. C'est... Alors, ça, c'est juste le médecin qui a fait une déduction. Non, après. Mais si. Bah, ils ont des périodes où ils mangent pas. Les serpents, ça peut ne pas manger pendant des 9 mois. Ans. Mmh. 9 ans. 9 ans ? Ouais. Ouais, ça dépend du serpent alors, mais. 9 ans, il mange pas pendant 9 ans. Ouais, j'ai vu ça, hein, j'étais choqué. Il y a un truc qui est impressionnant. Moi, déjà, quand je saute un repas, j'ai la tête. Au bout de ma vie. C'est clair, alors 9 ans, non. Mais tu sais qu'un crocodile, ça mange pas tant que ça. Hein. Non. Ah ouais ? Parce que moi, j'avais été à la planète des crocodiles. Dans la Vienne, non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, ça peut aussi attendre très très longtemps. Oui, du coup, ça mange pas énormément, pas tant que ça, je sais plus, mais ça mange pas beaucoup. Tu sais pourquoi on rigole, Amel ? C'est parce que Jolan, il fait. Alors, moi, je suis allé en Afrique. J'ai vu un mois. Alors, moi je suis allé dans la Vienne, il y a la planète des crocodiles. Il y a deux poids deux mesures. Bah, pardon, on n'a pas le même budget, hein. On n'a pas les mêmes moyens. Ouais. Et du coup, pour en revenir au bois, il y a des vidéos impressionnantes de comment ils chassent le bois dans les forêts. Bon, tu vas pas nous expliquer le bois en entier, quoi. Non, mais c'est impressionnant, c'est juste impressionnant. C'est gros, un bois. Je peux vous en montrer un. Comme. J'en ai ramené un ce soir dans le studio. J'en ai toujours un sur moi. Toujours un sur moi. J'ai Allez, Teddy, fais-le sortir. Pour terminer sur ce mode de vie, donc bien sûr, c'est quelque chose qui doit rester assez unique, hein, parce que on peut pas avoir comme ça chez non, soi. Non, faut pas avoir l'ambition d'avoir un crocodile. Non, faut l'autorisation et tout, et ça prend beaucoup. Non, puis beaucoup, même, beaucoup c'est pas. Si vous tenez à la vie. Franchement, ça sert à rien d'avoir un crocodile en France. Autant le laisser dans son pays d'origine, sera bien mieux. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que, par exemple... Il pense la même chose, mais il se dit en fait qu'il y a tellement de dégradation en ce moment, la nature et tout. Ouais, Il le pense que... Excuse bidon, quand même. Non, mais il le pense que voilà, les animaux sont beaucoup mieux dans la nature, mais... Bah, on va avec prendre tout ce principe qui se passe et tout... Avec les déchets, tiens. Tu vois, tiens, je vais jeter mon déchet dans la rue. Oh, bah, de toute manière, il y a déjà bien assez de déchets dans la mer et tout ça, du coup, on s'en fout. Voilà, on fait tout ça, ça sert plus à rien. Non, c'est un peu con. Je pense pas que ça soit le même principe, non. Non, mais c'est pas loin. Non, mais après, c'est son avis à lui, hein. Voilà. Mais alors, si on. En fait, lui, il les récupère parce qu'ils sont. Parce qu'on en veut pas. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, faut bien les récupérer. Et peut-être si on nommait le côté législatif et la protection des animaux, est-ce que, Jolan, avoir des animaux comme ça chez toi, est-ce que tu te verrais avec ce genre de style de vie ? Non, franchement, non. Non. Je préfère avoir mes chats chez moi, tranquille. T'es dit. Moi je pourrais, ça me dérange pas. Ouais, toi t'es assez animaux toi. J'avais des lézards, des lézards verts. Ouais. Ça m'a encore plus que les lézards normales. Je m'amusais à les attraper dans la nature. C'était cool. Antoine ? Puis j'ai relâché évidemment. Parce que je mange pas. Moi ça dépend parce que j'aime bien les serpents moi. Ouais, donc t'aimerais bien avoir des serpents à la maison. Ouais. Ouais. Par contre les alligators non. Ouais, les alligators je m'en fous moi. Ah, tu veux bien ? Ouais, mais ça me dérange pas. Ah, ouais, d'accord. Antoine il me fait de la peine là, il est défoncé le mec. Anaïs ? Moi en vrai ça m'a donné envie. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais moi je t'es dit sors-le. J'irai pas. D'un alligator, pas du boa, désolé. Ouais, Amel. Non mais moi j'aime juste les pogonas. Les pogonas c'est quoi? C'est des petits lézards dragons. Ah. Et moi j'aime juste ça. D'accord. Moi je pourrais pas. Honnêtement, y a rien qui me fait kiffer là-dedans. Miguel déjà t'as entendu? Non, Miguel c'est mort, les alligators c'est mort. Non, y a rien qui. Scorpion, est-ce que je suis pas fan. Arrêtez de remuer ton micro, Jolan, parce que. J'arrive pas à le mettre. Ça s'entend à l'antenne. Et c'est très désagréable. Trouve pas le trou. Très bien. Utilise ton bas. Non, enfin en tout cas, moi je m'y vais pas du tout avec ça. On t'a pas posé la question. Objet insolite. Objet insolite dans un instant, le top objet, on vous a dégoté des objets assez insolites avec l'objet mystère à découvrir. Vous avez voté sur la page Facebook, on fait les comptes juste après de la musique. Sur Indestar, on est déjà très en retard. Comme d'hab. On a Avril Lavigne qu'on a mélangé avec Panic at the Disco, ça s'appelle It's Little Complicated, c'est un petit peu compliqué. Et on écoute maintenant sur Indestar. Mesdames, messieurs, sans transition. Oh, et maintenant on fait la même chose, d'accord? Il est laid, le bidet, il est laid, le bidet, qu'il est laid, le bidet. Attends, il est toujours sur le lavabo. Ça me dit quelque chose. Bah c'est la gaffe. Le bidet aussi? Oui, bah c'est la suite. Ah, je croyais qu'il y avait que lavabo. Et après tu fais un mix des deux. Tu fais il est beau le lavabo, il est laid, le bidet, il est laid, le bidet, il est laid, le bidet. Mais c'est pas une nouvelle musique. Ah bah non, ça a été un tube ça. C'était number one du top 50 dans les années 90. Léo, je peux te poser une question. Vas-y. Pourquoi on se fait chier à trouver des musiques? Ouais. Quoi? En vrai, on trouve juste une phrase, on la remix. Ah bah ouais, non mais carrément. Mais bon, est-ce que tu c'est remixé? Non mais justement, ce qui était intéressant sur cette chanson, c'est que c'est Lagaf, hein, dans les années 90, qui s'était dit, en fait, on écoute toutes les merdes à la radio, moi aussi je peux faire un tube. Et il s'est dit, on va prendre le lavabo, on va prendre le bidet, et on en fait un tube, on est numéro 1 du top 50. Et ça a marché, ils ont été numéro 1 du top 50. C'est ça qui est ouf. J'ai le vinyle à la main. Un mec brillant. Oui, un mec brillant. Non, ça c'est Dany, ça. Dany brillant. Il est mort, lui, non? Non, non, il est toujours. Mais dans l'esprit collectif. La tête, il a Alzheimer, le pauvre. Depuis que j'ai de Suzette. Dans l'esprit collectif, il y en a des chanteurs comme ça, tu te dis, ouais, ils sont morts, c'est... mais non, non, non, ils ont que 75 ans. Actu solide jusqu'à 23h minimum, les copains, on est lundi soir, on se fait plaisir avec notamment le top objet. L'idée est simple, on va sur internet chaque semaine et on vous crie. Oui, on vous décrit. Je voulais dire, on vous déniche. Est-ce que tu as le droit d'aller sur internet sur ça? Je sais pas, la dernière fois tu m'avais engueulé comme un rat pourri parce que je l'avais enlevé. Un rat pourri. J'avais engueulé comme un rat pourri. T'engueules souvent des rats pourris. Souvent. Donc on vous pose la question. Ah bon, on a un appel. Ça va pas marcher, c'est sûr. Si. On a quelqu'un qui est avec nous parce que. Ah bah non, ça fait bizarre. Attends. Allô, bonjour. Ouais. Attends. Ah, on l'entend. Bah, on l'entend. Mais tu arrêtes tous. Mais là, ça résonne dans mon. Vous l'entendez bien? Ouais. Ouais. Nous entends-tu, petit auditeur? Oui, je vous entends. Ou petite auditrice. On a un auditeur. Ouais. Ouais. Ouais. T'as gagné 100 000. Non, je déconne. Alors moi, par contre, je t'entends qu'à droite. Mais c'est pas très grave. Comment te prétends-tu? Parce qu'il est de droite. Gentil auditeur du soir. Alors, à vous de deviner. J'ai déjà fait partie de la radio. Salut Anto. Tu t'appelles Anthony. Ouais. Salut Anto. Voilà. Comment t'as cramé direct? Grave. Parce que ça serait pas parce que Jolan aurait vendu la mèche. Non, non. Il n'y a rien de ça. C'est pas Jolan, ouais. Même dans ses histoires vraies ou faux, il balance. Anthony, comment vas-tu? Comment vas-tu ce soir? Bah écoute, pas très mal, pas très mal. C'est malade, vrai mais ça va. Malade aussi, encore t'es comme Antoine. Le corona aussi. C'est le corona aussi. Bon, arrêtez la bière. Hein. Non. Une bonne crème, mais rien de bien méchant, quoi. Puisqu'on est au mois de janvier et que la fin janvier n'est pas terminée, on peut encore te souhaiter une joyeuse année, donc bonne année. Bonne année, Toto. Bon aîné. Et ben, je vous souhaite une merveilleuse année à l'équipe. Bienvenue en 2020. Il est l'heure d'aller au lit. Chantons comme les abrutis. Elles ont quoi? Oh là là là. Ça, on le fait toutes les semaines. Ça, c'était notre chanson de bonne année. La première. Ouais, la première notre chanson première fois. Notre première fois. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y aura une nouvelle chanson à découvrir. Et cette la troisième fois. On a. Ouais, aussi. Mais c'est la quatrième fois, Gogo. Oh, le... Non. C'est surtout. Si, ça doit être la quatrième. C'est la quatrième fois. Mais c'est surtout que cette fois-ci, on est parti sur une instru originale et on a écrit des vraies paroles quand même. Ouais. Donc ça sera à découvrir tout à l'heure. Anthony, tu voulais dire un mot? Ou deux? Bah, vous souhaitez une bonne année et voilà. D'accord. Bonne santé à toi. Tu te fends bien la poire. Hey, c'est pas mais parce que nous, on a la banane en vrai. Ouais, grave. Cerise de groupe à bar arrivera tout à l'heure. Vous avez la banane, moi j'ai la poire. C'est cool. C'est pas une vieille expression des années 70, ça? Je me fends la poire. Si, c'est une expression de boomer. Surtout qu'on fait une fendue de poireau, donc je comprends pas. Ok. Merci, mais c'est la nul. Arrête de parler de poireau à chaque fois. Alors, le concours de la plus mauvaise vanne est décerné à le prix de la plus mauvaise vanne. Roulement de tambour, roulement de tambour. Attention! Il est pas bien, il est pas là. Il est putain, pas là. Pauvre con. Ah, bon. Voilà. Anthony a dit que c'était pour Amélie, donc. bah merci en tous les cas. Anthony, tu continues de nous écouter? Oui. On sera un peu en retard. D'accord, bah ça marche. Avec grand plaisir. Et puis t'es le bienvenu quand tu veux passer dans les studios d'Indestar. Vous êtes d'ailleurs tous et toutes les bienvenus, les amis. On te souhaite une excellente soirée, Anthony, à bientôt. Merci à vous aussi. Salut. Salut. Bisous, ciao. J'ai écourté avec Anthony parce que on est déjà très en retard. Donc on a notre top objet du soir. Mais merci d'avoir appelé. Mais ouais, merci d'avoir appelé. D'ailleurs, gentil, si vous voulez faire un petit coucou à l'antenne ou mais pas dessus, on n'a pas le temps. 09 70 407 306. On trouvera le temps. On trouve toujours le temps pour nos auditeurs, chérie. Détends-toi. Alors, pour le moment, sur notre sondage, on a ça deux. Ça m'a bloqué. On est complètement bloqué. Mais ça m'agace, cette tablette de merde. Elle clique 10 fois sur le truc. Elle. Mais ouais, faut être gentil. Oui, bah oui, ça marche mieux. Et hein. Après, elle ose dire que t'as pas de patience. Bon, on a deux manettes et on vous fait deviner. Est-ce que pour vous, c'est un cendrier manette ou c'est un assiette manette? Alors peut-être une assiette manette. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de vote pour cette proposition. Non, mais après, pourquoi une assiette serait au féminin? Non, mais pourquoi elle serait pas au masculin? Surtout qu'Anaïs, c'est aussi Antoine après. Oui, mais moi les fautes d'orthographe aussi simples. Bah, j'avoue, c'est vrai qu'elle m'a dit. Attends, assiette. Elle m'a dit la même chose qu'on écrivait des petits mots, comme tu dis. Ouais, moi le. Quoi, l'assumer. Non, mais alors, pourquoi l'assiette devrait être féminin? Parce que c'est deux TE à la fin. Je les courte. D'ailleurs, attends, pour info, t'as relis mon truc derrière, d'accord? Ah non, je. Non, mais... je me dédouane de toute responsabilité. Et manette, y a pas de N aussi? Non, il y a qu'un N. Non, mais pas à ce point là-haut, c'est bon. Tout de même. Bon, en tous les cas, pour le moment, on a que des votes pour un cendrier manette. Par contre, on a d'autres objets pour vous à vous présenter. Si vous êtes sur le site indestar.fr, vous allez pouvoir les voir affichés à l'écran. On a, par exemple, alors on va commencer par l'objet de Jojo la frite. Ah. Mais ta gueule. De quoi? Non, Jojo, tu dis Jojo l'hélium. Qu'est-ce que j'ai? Mais ta gueule toi aussi. Qu'est-ce que Jojo j'ai l'hamster. Je suis pas belge. OK. On a un c'est quoi? un peigne porte-clé. C'est un porte-clé peigne, ouais. À barbe et décapsuleur. J'ai trouvé ça génial. Ça fait ah oui, alors, t'as le petit retour décapsuleur, ouais. Les gens qui ont des barbes un peu plus que toi, t'es aussi. Ouais. Non mais toi barbes. Tu peux parler, hein, t'as rien. Moi je me rase, madame. Mais t'as rien du tout. Moi aussi j'ai un sabot. Et du coup tu peux te brosser. Ouais. Si t'as une petite soif ou tout. Tu peux brosser. Tu peux brosser. T'as vu comment qui te cause? Tu peux te brosser. L'insolent. Tu peux te brosser, mec. Ok. Brossé dans la lucarne, on l'a le bouton. Alors ah oui j'ai rigolé pour la description, c'est pour être présentable en toutes circonstances. Et brossé dans la lucarne. Putain, mais tu m'as coupé là, merde. C'est pas moi, c'est Amel. Oh, mais t'as voulu le faire aussi. Bon, je recommence. Brossé dans la lucarne. J'ai vu, hein. J'avais envie. On va y arriver ou pas? Bah vas-y. C'est quand tu veux, hein. Pour être présentable en toutes circonstances et ouvrir une bouteille en cas d'urgence. Ok. Voilà. C'est juste pour ça? Ouais, mais j'avoue, je suis déçu. Tu sais que j'ai acheté un truc, alors c'est pas exactement ça, mais c'est un porte-clé qui fait tout avec un mini marteau, un mini décapsuleur, etc. Ouais. Ma meilleure amie, je lui ai acheté ça pour Noël. Elle qui est un petit peu bricoleuse, je lui ai acheté ce genre d'objet, je trouve ça très rigolo. Ouais. Alors que Jolan va sans doute pas lui offrir son peigne. Le prix c'est 10,50€. Ouais. Ça va. Ça ouais. Va. Et sur le mais site, y a pas d'encaissement. Le site ouais. Michael Zistoff. Par contre, tu galères un petit peu pour brosser tous tes cheveux. Oui, c'est ouais. Pas, oui, pour le coup. Ouais. Tu vas mettre coup, on passer les coups. T'as acheté un couteau suisse, quoi. Ouais, non, mais, c'est... Non, mais non, sur le principe, c'est bien. C'est quand t'as une mèche un petit peu rebelle, etc., tu te la remets en place. Par contre, si tu veux te peigner tous tes cheveux, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah rien. Une mèche rebelle. Oui. Remettre en place. D'accord. C'est à qui? Ça vole. Ok, eh allez. Bah on va dire Teddy. Ah, Teddy. Non, on va dire l'image qui suit. L'image ah bah si c'est la mienne du coup. Et toi, c'est de Teddy. C'est du Syrah Spalmabile. Du Bira. C'est de la pâte à tartiner. Ah, du Bira. Goubière. Goubière. De la pâte à bière. Ah. À tartiner. Et tu peux mettre ça sur tes crêpes? J'imagine. D'accord. Tu peux mettre ça n'importe où. C'est original. Oh, ça a l'air dégueu, ouais. Ouais, c'est clair, il y a de la levure. J'ai pas dit que ça avait l'air bon, j'ai dégueu. Dit que c'était original. Oui, c'est pas faux. Ouais. On a dit que c'est dégueu. Ou que j'ai trouvé assez insolite pour le coup. Hein. Oui, oui, oui. J'ai le matin une tartine à la bière. Ouais, c'est, bah pour les alcoolos, tu vois. Ouais. Quelle différence avec tu verses de la bière sur ta tartine directement? Parce que c'est pas en pâte. Ouais. Mais est-ce qu'il y a autant d'alcool ou pas dedans? Je sais même pas s'il y a de l'alcool, parce que comme tu peux le voir, c'est écrit en... Une bière sans alcool. Il peut voilà. Juste avoir le goût au final, mais ah, pas ouais. Forcément. Ah ouais, donc ouais mais final, le goût de la bière sans alcool, faut bien l'avouer. Ça reste dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un produit italien. C'est comme la tourtelle, je sais pas si bah vous connaissez. Il y a le drapeau italien en dessous. La boisson, la tourtelle. C'est trop bon, ça. Non. C'est dégueulasse. C'est trop bon. C'est bon pour les non-initiés à l'alcool. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais bu d'alcool, ils trouvent ça bon, parce que voilà. Mais pour ceux qui ont déjà bu d'alcool, ils goûtent des trucs sans alcool. Ah non, j'avoue. Mais moi, je suis pas fan des boissons. Tu sais, trucs sans alcool, genre champomis. Oh putain, c'est idiot. C'est, bah, c'est déjà, ridicule. Non, mais non, mais j'aime pas déjà les trucs ouais. qui frétillent. Donc, oui, qui pétillent. Ouais. Je devrais pas vendre ces choses-là. Non, moi, c'est vraiment. Les mojitos sans alcool que je trouve. Déjà, les mojitos, j'aime pas trop, mais ah, alors, c'est pas bon, sans ouais. Alcool, mais je me dis, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? C'est de l'eau au citron. Alors qu'un bon cocktail sans alcool, là, ça fait plaisir, quoi. Exactement. Ah, un peu de banane. Que j'aime pas aussi, non. C'est le Ricard avec le guanisé, là. Ah, c'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est bon, déjà, le guanisé, j'aime pas. Ouais, je suis pas fan. C'est du Pacifica. Revenons sur notre bière et notre pâte à tartiner bière. Ça vous cher, ce truc? Alors normalement tu l'as en titre parce que je m'en rappelle plus. Titre. Je sais que je l'ai trouvé sur l'avant-gardiste. Ouais. Ça devait pas coûter cher. Allez, vas-y, 7€. 7€. Ouais. Allez, on y va pour 7€. Ah non, tu sais pas. Et tu prends tout. Tu vois pas le nom de l'image. Mon site, toi. Hein. Tu vois pas le nom de l'image. Non. C'est écrit normalement. Légende de l'image. Il a changé. Il a changé. Ah merde. Attends, je remets l'autre. Ouais, et alors. Normalement, c'est écrit en légende de l'image enregistrée dans le PC. Ah bah oui, mais non, mais je vois pas. Moi, c'est marqué juste objet Teddy, moi. Ah oui, il a changé. Oh, c'est triste. Bah oui, c'est pas, y a pas toute la description. Ok, et ben tout à l'heure à la pub, j'irai voir combien ça coûte. Ok. Alors, on passe à l'objet suivant. Nous avons les le foufounes. Jeu. Oui, le jeu de société les foufounes. C'est un jeu de société. C'est sympa. C'est un jeu de mémoire. Je l'ai déjà. Elle y a joué. Et donc, j'ai une bonne mémoire là-dessus. Je l'ai déjà. Je pensais qu'à la foufoune, moi. Ah ouais, j'ai déjà la foufoune. Oh, j'en ai déjà plein. Donc le but en fait, c'est de retrouver les 24 paires de foufounes identiques. Non, mais facile. C'est même... Attends. Tu veux dire qu'à l'intérieur de ce jeu de société, t'as des images. C'est ça. Des images de foufounes. C'est ça. 48 du coup. Et donc du coup t'as 24 paires. Ouais. Et donc bah le but bah tu les retournes et tu les retrouves. À quel moment t'as des paires de foufounes? Bah ouais, ça va pas par paire. Bah écoute, ça serait si ça va par paire. Ça s'appelle deux pour le prix d'une. C'est unique une foufoune. Je veux dire, c'est quelque chose de personnel. Non mais ça devient de beau, ça devient très gênant la discussion. Pardon. Oui, bah c'est un jeu, c'est tout. Oh là là. Moi j'en ai un jeu comme ça où c'est un jeu de cartes. Ou que c'est Denis Barre par contre qu'il faut retrouver. Mais là, Denis Barre, c'est crédible. Là, c'est toi, crédible. T'as le Nibar droite et le Nibar gauche. C'est pas moi qui ai inventé. Pas la gauche et la droite. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Bah ouais, bah revois-toi. Donc là, elle devient très gênante ce question. Là, c'est comme le memory. Donc, c'est à partir en fait. De deux personnes. Ouais, c'est ça, c'est un memory. C'est un memory. Hein. Bah tu sais, bah, c'est un peu comme le jeu où tu dois retrouver les paires. Ouais, c'est un memory. Le memory. Exactement. Tu en trouves pas, hop, tu retournes. Ah, le memory. Du coup, c'est un jeu qui se destine particulièrement aux garçons, j'imagine, ce truc-là. Pourquoi? Mais pas obligé, il y a des. Non, on est très. Bon. Il y a ce qu'on appelle des brutes très attentifs à ce genre. Ok, ça veut rien dire parce que moi, franchement, ça me dérangerait pas d'y jouer. Non. J'ai rien dit, il y a des brutes gazon ici, apparemment. Non, c'est juste ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que les hommes sont très attentifs, seraient beaucoup plus attentifs qu'un jeu de memory normal. On est tout de suite meilleur. On est tout de suite meilleur, exactement. Pourquoi j'en doute pas? Donc, du coup, 25€. Ouais. Sur cadeaupourri.com. Cadeaupourri.com. Ouais. Voilà. C'est aussi un site que je fréquente régulièrement, le cadeaupourri.com. Ok, l'objet mystère, c'est celui d'Amel, si je comprends bien. Ah, tu le mets maintenant? Non, on va mettre le mien. Chut. Mais on a l'objet d'Antoine pour le moment. Qui est. Ah, oh, bah, décidément, les crocos. C'est le thème de la soirée. C'est une tête de crocodile? Oui, c'est un bateau télécommandé, tête de crocodile. Ah, j'ai déjà vu ça dans les vidéos. Aussi. Dans des vidéos c'est gags. C'est trop drôle. Et, bah, ouais. Et comme par ça, il y a des Chinois aussi dedans. C'est vrai, dans les vidéos gags avec les crocodiles, ouais, il y a des vrai. Chinois. C'est vrai. Voilà. Moi, je t'en aime. Ça, j'ai envie de le tester en vrai, celui-là. De quoi? J'ai envie de le tester en vrai. Mais ça peut être très drôle. Mais en France, en même temps, je sais pas si ça marche. On verra pas. Non, beaucoup. Mais tu sais, il y a tellement de jeunes qui. Ouais, mais attends, tu vois une tête comme ça sortir. On t'entend pas. Ouais, je sais pas. Tu parles correctement dans ton micro. Bah, je suis proche. Hein. Ouais, mais alors. Passez. Voilà. Bouffe-le. Comme ça. Vas-y, parle. Non, vraiment. Non, mais c'est pas des conneries. Parle bien. Oui, donc. Voilà, tu vois. Donc ça, j'aurais bien testé en vrai. On l'entend mieux là. Donc, tout le monde s'était là. Il coûte 42€, c'est sur Amazon. D'accord. Non, mais c'est pas la tenir. Le tenir. Donc, la tête de croco, si vous voulez faire un petit gag, bah vous pouvez vous la procurer. Il y a juste la tête, hein. Il n'y a pas le reste du corps et elle fait pas mal. Faire peur à Mamie Ginette. Alors, moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est un. Clara Morgan. Oui, c'est un cahier de vacances. Ah, pardon. Très olé olé, bah, s'il vous plaît, c'est pour réviser un petit peu, je dirais, les standards. Les standards. Hein. Révisons. Pour pimenter un petit peu vos vacances, c'est le cahier de vacances Clara Morgan. Voilà, qui est à vendre 24,99€ sur Amazon. Je pense que c'est quand même vachement plus intéressant que le cahier que vous pouvez acheter pour vos bambins cet été. Effectivement. Ils seraient tout de suite plus assidus dans leur devoir. Et ben, avec le jeu de foufoune, c'est parfait. Ils font leur devoir, ils font la vous mémoire. Vous enchaînez un petit. Ils font la mémoire. Non, mais c'est ça. Vous enchaînez un petit atelier, un petit exercice du livret de vacances Clara Morgan et vous enchaînez avec un jeu foufoune. Je pense qu'on est pas mal. Vous avez bien éduqué vos enfants. Ne fais pas d'enfants. Ou en tout cas pas de filles. On termine. C'est très par... bizarre ce que tu viens de dire. Vous savez que vous êtes des filles vous aussi. L'objet mystère avec une image ah bon de fort belle ah qualité. Bon ah bon, on est des filles. Alors, c'est vous pas, êtes moi, j'ai une sur la page Facebook et vous avez pu voter pour l'objet mystère. À votre avis, quel était cet objet mystère? Est-ce que c'était pour vous un cendrier manette ou une assiette manette? Un assiette. Un assiette manette, s'il te plaît. Vous avez été nombreux à voter pour un cendrier manette. Est-ce que c'était un cendrier manette? Bah non, oui, c'était une manette. Non, c'est un cendrier manette. Ouais. Que l'on trouve à Amazon. D'accord. À 7,08€, merci. 7,08€ 7,80€ sur Amazon, franchement, c'est pas cher. Oui, mais on s'est niqué. Parce que j'ai regardé, oui. C'est pratiquement 10€ de livraison, quoi. Ah non, je pensais pas pour ça. Mais imagine, t'as des gamers, tu joues une partie de PlayStation, etc. Sans faire exprès, t'as un des joueurs qui prend cette manette-là et qui renverse le contenu du cendrier à l'intérieur. Mais de toute façon, généralement, ça se voit. Non, mais tu vois qu'il y a un trou, là, au milieu, alors... Non, attends, t'as mieux. Tu sais, tu joues à la console. Ouais. Non, mais pas un trou, mais je veux dire... C'est creusé à l'intérieur. Ah oui, c'est tu creusé. Joues à la console et t'as ton petit frère, tu vois, de 4-5 ans qui te fait chier, qui a envie de jouer avec toi. Tu lui donnes ton cendrier manette. Ah, bien. Et voilà, il va croire qu'il joue et qu'est-ce qu'il est con. Allez, on peut faire ça simplement avec une manette non branchée, non connectée. Évidemment. Ah, ça marche toujours. Hein. Tout ouais, le monde je suis trop bon. Ça, ouais, t'es en mode démo depuis une demi-heure. Ça marche totalement. Tu joues pas ça. En fait. Si, t'es le mec que je bute là-bas. Bon, on continue cette émission d'Actu Solide. On est vachement en retard, les copains. 22h31 et on vous a pas passé la chanson. Pote, et on n'a pas fait le record encore. On va le faire dans un instant. Après une musique. Cette musique, c'est Lady H. J'adore cette musique. Eye on Hill. Écoutez ce son comme il est bon. C'est funky, c'est groovy, c'est Actu Solide, c'est In the Star. Faudra qu'on explique ce que ça veut dire funky. Eye on Hill de Lady H. Funky, c'est qu'il y a du funk à l'intérieur. C'est cool, oui. Pas du funk. Ouais, alors là, il va falloir un petit peu plus que 3 secondes pour t'expliquer. 21h, 23h. Actu Solite, votre émission d'actualité insolite. Allez, bienvenue tout le monde. Si vous nous rejoignez, c'est Indestar, c'est Actu Solite. Nous sommes lundi soir et jusqu'à 23h, grand minimum, hein, puisqu'il est déjà 22h35. Dans Actu Solite, il se passe plein de choses. La chanson YOLO Music à nous à découvrir tout à l'heure avec le terme L'herbe grise. On aura également la manifestation insolite de la semaine, le raconte-nous une histoire. Et pour entamer en zénitude, effectivement, on vous a mis le petit teasing tout à l'heure sur la page Facebook. On va essayer de faire un yoga challenge. Alors explique-nous un petit peu à Mel quoi ça consiste. Alors j'ai sélectionné 3 postures de yoga. Ouais. Du coup il y aura 2 groupes de 2. Donc il y aura Théo, Teddy et puis après on aura Antoine avec Jolane. D'accord. Et vous allez essayer de reproduire 3 figures. Ouais. Ensemble, okay. En même temps. Et avec Anaïs, on va décider quel groupe pour nous a réussi les différentes figures, voilà. Ok, très bien. Donc vous êtes les juges, Amélie et Anaïs sont les juges, et nous allons tenter à 4, 2 équipes de 2, de faire le yoga challenge que vous pouvez retrouver sur YouTube régulièrement. Il y avait toute une période où on avait des tas de gens qui se prêtaient au yoga challenge avec des niveaux plus ou moins importants. Nous, c'est des petits niveaux. Nous, on va commencer petit. Petit. Tu sais, c'est cool parce que si on est doué. Peut-être que dans le cours de la saison, on pourra passer genre au level 2 ou level 3, tu vois. Non, mais je sais même pas quel level j'ai pris là. J'ai pris genre. T'as pris le level débutant. Yoga facile quoi. Ouais, facile. Mais après, facile, peut-être qu'à la fin de la saison, au mois de juin, on fait niveau expert. Il y a des trucs faciles. Ouais. Genre le mec qui montait en l'air la nana avec ses pieds quoi. Qui montait en l'air la nana. Ouais. Avec ses pieds. D'accord. Avec, oui, ok. Non, je vois un petit peu l'idée. Ouais. Hein. Genre, tu sais, comme un peu dans Dirty Dancing. Ouais. Sauf qu'il l'a fait avec les pieds, tu vois. D'accord. Genre, et c'est facile. Ouais. Oui, enfin, c'est facile pour un certain niveau, quoi. Ouais, c'est ça. On a déjà du level. Alors, toi, tu vas commenter tout ce qui se passe, Amel. Yes. Et vous pourrez retrouver la vidéo très prochainement sur la page Facebook d'Indestar pour voir nos performances en vidéo. J'y vais, je me prépare et je rejoins l'équipe. Allez, vas-y. Allez, garçons, vous êtes prêts? Alors Teddy nous a mis un masque de je ne sais quoi, on dirait un masque des Cassos. Ah, c'est Eric et Morty, je sais pas quoi. Eric et Morty, voilà. Du coup, vous êtes prêts les garçons? Alors, je montre déjà l'image à la vidéo. Est-ce que tu vois? Alors, ils vont essayer de faire c'est petit, c'est facile. D'accord. Donc Teddy, je vais te montrer, tu montres un peu à tout le monde et vous devez réaliser celle-ci. Donc c'est une posture où ils doivent se mettre en forme de chaise et ils doivent se tenir la main tout en se tenant. Vont-ils réussir? Alors, Teddy me rend mon téléphone, merci. Anaïs, un commentaire à nous faire? Allez! Allez qui? T'es pour qui? Bah, peu importe, hein, c'est la qui gagne. Mais par contre les gars, faut vous mettre de l'autre côté parce qu'on vous voit pas. Mais on voit que... Voilà, mais mettez-vous de face. Alors, ils ont toujours pas compris où était la caméra. Alors, ils essayent de le faire, hein, c'est très compliqué, voilà. Ils s'assoient, ils doivent se laisser porter par l'autre avec les mains. Et vous devez tendre l'autre main. L'autre main doit être tendue. Et ben moi, je dis que les garçons... Mais oui, Jolaine, il s'accroupit, quoi. Il sait toujours pas faire la différence entre faire une chaise et s'accroupir, hein. Bah franchement, les garçons, c'est pas mal, hein, Théo et... Moi, je dis, Teddy et Théo, c'est validé. Les garçons, c'est validé. Antoine et Jolaine, vous êtes chez dessus. Allez, bébé posture. Celle-là, elle est un peu plus compliquée, ça va tirer un peu sur... Celle-là, elle est un peu compliquée, ça va tirer un peu sur les jambes. Ça va tirer, quoi. Attends, on va montrer aux téléspectateurs. Hop, on vous montre sur la vidéo. Alors, c'est bien vraiment tirer les jambes et tout. C'est très compliqué, hein. Franchement, tenir droit comme ça et tout... Mais oui, vous êtes pas obligé d'avoir cul contre cul, les gars. Mais non, vous devez vous espacer un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà. Alors, Jolaine, il est tout rouge, il en peut plus. Et franchement, Théo et Teddy, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais on va laisser le suspense, on va donner ce point-là à Antoine et Jolaine. Parce que ils ont quand même bien galéré. Et maintenant, alors là, la plus dure, je veux que vous fassiez celle-ci. Celle-ci est un peu plus dure. Alors, lui, Théo, là, il se voit trop dans le yoga. Ça y est, il est parti. Mais si, ça le fait. Hop, alors ils vont essayer de faire ça. C'est bien les pieds tendus, ils vont se tenir la main. Quel va être nos meilleurs yogurts? C'est pas mal, yogurt. Hein. Yogurt. Attention, ils vont commencer. Ils commencent à lever les jambes. Vont-ils réussir à lever les jambes? Alors c'est très compliqué. Et là, faut que vous vous tenez les mains maintenant. Bah, levez les jambes un peu plus haut. Et franchement, c'est pas... Ah, franchement... Ouais, alors les garçons, je crois qu'ils ont pas compris. Je crois qu'ils font encore le jeu qu'on était bébé, tu sais, avec le vélo. Ouais, quand tu faisais les ciseaux, les vélos et tout, ouais. Non, franchement, les gars, c'est validé. On peut dire que nos meilleurs yogurts de la soirée sont... Tais-toi, t'as pas de micro. Non, franchement, les gars, c'était bien. Un mot au vainqueur. C'est vrai, et pourquoi tu nous as pas validé la deuxième alors que t'as dit qu'on était meilleurs? Parce que les garçons ont quand même réussi à le faire une. Attends, ils ont réussi à faire un truc, quoi. Faut quand même les encourager, tu vois. Genre, c'est de la pitié, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est genre, quand tu fais pitié, voilà, tu peux pas faire autrement. Et tu sais d'ailleurs, Théo, ouais, qu'à Dubaï, ils ont inventé le hot yoga. C'est quoi? Donc, c'est-à-dire, tu fais du yoga. Tout nu. Mais dans un hammam. Ah oui. Et ben, ça donc doit... en fait il fait très très chaud. Oui. Donc en fait et en fait ça, apparemment c'est vachement bien, quoi. Bah, je pense parce que les muscles ils travaillent, ouais, moins. Ouais, donc c'est ça. C'est tu dois avoir moins de courbatures. C'est ça. Est-ce que je peux dire un truc pour ma défense? Ouais, vas-y. C'est que Jolan il est trop grand, donc je pouvais pas lui tenir les mains. Bien sûr, c'est parce que. Mais Jolan, je te jure. Mais regarde, tu vois, on le refait. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça que tu t'es chié dessus pour la première aussi. Ouais, bah, mais vous avez perdu, les gars, vous avez perdu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, merci en tous les cas d'avoir participé. Vous allez pouvoir retrouver, bien triche, entendu, c'est la petite triche vidéo. Nous, on n'a plus de jambes équipes, ni de les bras. Les équipes avec sont pas équilibrées. Si, c'était parfaitement équilibré. Les équipes sont pas équilibrées. Si. Objection, votre horreur. Non, je suis pas votre d'accord. Horreur. J'avais quand même un bras en moins, ouais, que je pouvais utiliser qu'à moitié. On vous a quand même mis la misère, alors... Ma petite chouchoute. Hein? Attends, t'as vu la taille qu'il fait? Mais je suis trop grand avec Antoine, on se touche, on arrive. Ouais, même pas grand. Rien, fallait pas grandir, fallait pas manger tant de soupe. C'est qui la petite chouchoute? Nina Attal. Ah. Sur Indesta avec I've Been a Fool. Et dans quelques minutes, le raconte-moi une histoire où on va tenter tout simplement dans les studios. Non, j'allais dire de battre un record. Non, pas du tout. On vient de le faire, le record. On va prendre notre ardoise et on va nous dire si ces histoires sont vraies ou fausses. C'est dans la suite d'Actu Solide, bougez pas. 21h, 23h. Actu Solide, votre émission d'actualité insolite. Tout à fait. Et pour nous appeler, c'est 0970 407 306. Si vous voulez nous faire un petit coucou, c'est gratuit, n'hésitez pas. Comme l'a fait Anthony tout à l'heure. Comme l'a fait Anthony tout à l'heure. Exactement. Raconte-moi une histoire. Une vraie histoire ou une fausse histoire? Eh bien, là, appel vous pouvez jouer Jolan, avec c'est une nous. Fausse. Parce que, oui, bon, celle de Jolan, on sait qu'elle est fausse, mais les autres, on ne sait pas. L'idée, c'est de raconter une histoire aussi... aussi... bien que possible, et après de faire deviner aux autres si elles sont bien ou pas. Je rappelle que depuis le début de l'année 2020, on s'est mis un petit défi hein, sur ce raconte-moi une histoire, c'est-à-dire que les perdants, ceux qui auront moins de points, devront faire à la bouche les derniers jingles de l'émission, donc avec des mots imposés en plus, donc avant la tu fin de cette émission. Tu me stresses quand tu dis à la bouche, j'ai l'impression que tu veux rouler une pelle au jingle quoi. Bah on peut rouler des pelles au jingle. Faites l'amour à votre radio bien entendu, faites l'amour à une des stars. Avant sais, tu m'as piqué mon ardoise quand même. C'est vrai ? Mais non, c'est la mienne ça. Mais non, parce c'est que moi j'en ai pas. Ah oui, t'as raison. Non, ouais, voilà, mais c'est une blague en plus. Autant n'importe comment. Alors. Très belle comédie musicale. Exactement. Je vais commencer par la mienne. C'est un Beneda ça, je peux écrire avec ? Non. Bah essaye. Vas-y, vas-y. Non, franchement, essaye. Ouais, si, je crois. Tu vas voir que tu vas être très très stupide. C'est un blanco. Ouais, ouais, t'es très stupide. Un blanco. Alors, blanc sur blanc. Attention, tendez bien l'oreille. En Autriche. Les autorités ont décidé de mettre en place un nouveau permis. C'est le permis de conduire les chiens. Il y a une épreuve écrite et une épreuve de conduite qui sont au programme. Donc un genre de code hein, avec choix multiples du genre « Votre chien remue la queue, est-ce que ça veut dire qu'il veut ken la voisine ou est-ce qu'il imite mal les yeux sur glace ?» Ah ok, c'est pour pouvoir dresser des chiens. C'est pour pouvoir conduire les chiens dans la rue. Ah, ok. Se balader d'accord. avec son chien. Okay. Pour la partie conduite, on se promène dans la ville avec son chien et au besoin, bah, on doit lui mettre par exemple sa muselière si on est dans le métro, hein, par exemple, ou ramasser son caca dans la rue. Voilà, ce genre de délire. Exonération de la taxe annuelle canine si on obtient le diplôme. Est-ce que pour vous, c'est une vraie histoire ou c'est une fausse histoire ? J'ai du mal à écrire dans ma gauche quand même. Alors j'ai du vrai. J'ai du vrai, j'ai du faux, et il y a Jojo qui va c'est nous du faux. Du faux. La bonne réponse était que c'est une vraie histoire. Oui, oui, oui. Ils ont inventé ce permis. Alors il est facultatif, hein, c'est pas un permis obligatoire, mais en le passant, vous serez exonéré, et en l'obtenant bien sûr, vous serez exonéré de la taxe annuelle canine qui est de 43,60€ là-bas. Et en plus, vous aurez plein de gâteries pour votre toutou. Pourquoi à savoir. Tu dis oh punaise, c'est rien. 43€ c'est annuel, c'est par an. Ah ouais. Par an, ah. Oui. C'est rien. Bah, en France, on n'a pas de taxe canine. Bah, ça serait peut-être pas plus mal. Pas encore. Ça éviterait que plein de gens prennent des chiens et les abandonnent. Non, mais attends, j'en ai 4, hein, fais pas de taxe canine. Hein. Bah, ouais, ça peut vite grimper, ouais. T'en prendrais moins. Et en plus, vous avez des bons d'achat, comme par exemple une laisse au sac de déjection, tout ça que vous avez en cadeau. C'est génial. C'est où que t'as dit ? Ça, c'est en Autriche. Et est-ce que c'est payant ou c'est gratuit ? Non, c'est pas dit. Mais je pense, je pense que c'est gratuit parce que si ça nous exonère de la taxe, c'est bah plus justement, une initiative justement. Gratuite. Oui, puis si t'offres des trucs, ce serait con. Tiens, avec ton argent, en fait, c'est pour t'inciter à bien t'occuper de ton chien correctement. Exactement. C'est cool, mais moi j'aime bien, je trouve ça cool. Tu dis ça, mais tout à l'heure t'étais contre payer. Donc Oui, oui la taxe. La taxe le fait qu'ils aident certains propriétaires à pouvoir. Ouais, pourquoi pas. Bah, l'idée c'est d'éduquer en fait les gens aux bons gestes que tu peux avoir avec ton chien. Pourquoi pas. Voilà. Jojo, vu que la tienne elle est courte. L'histoire. J'avais même pas l'inté. Est-ce qu'il y a de la police ? Du pompier. Des pompiers. Il y a pas de police ? Ah mais on toi ton micro pas, il on marche pas. Bah alors ? Voilà, faut appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qu'il a fait ? Fais glisser le bouton. Non. Et c'est bon ? Mais on l'a entendu. Un deux. Un deux. Mais il était pas déjà allumé ? Vas-y parle. Non, on t'entend pas. Jojo, on t'entend pas. Bah prends. Ah oui, si vas-y. Ah. Voilà. Bah je sais pas. Arrête de jouer avec le fil aussi. Je joue pas avec le fil. Alors. Il joue avec autre chose. Alors, un élève. Alors ça se passe dans un collège déjà, je précise. Mm-hmm. Le pays, enfin le département, je sais plus. Je crois que c'est à Paris, il me semble. Un élève vient avec un obus de la Seconde Guerre mondiale en cours d'histoire. Et tout le monde est évacué. L'enfant prend 15 ans de prison pour mise en danger. Il est actuellement en maison d'arrêt pour attends, mineurs. Attends, il a quel âge ? Attends, oui. L'enfant, il a quoi, collège ? T'as 16 ans ? Un peu avant. T'as 16 ans collège ? Non, ouais. Bah, 16 ans, si, je crois que je sortais du lycée. Non, alors, non, j'avais 16 ans au collège aussi. Troisième ? Mais j'avais redoublé. Trois fois ? Une seule fois. En troisième, t'as 16 ans, hein ? Ouais, tu peux si t'as redoublé. Bon. Il a 16 ans, il prend, ouais, de la... la... Oui, bah... mais après, il a dit maison d'arrêt pour mineurs. Bah, quoi ? T'aurais jamais dit maison bah, d'arrêt. Si, ouais, mais même, on met pas 15 ans, même à un mineur, en bah, fait. Les mineurs peuvent pas prendre de prison. Ouais, c'est faux, quoi. Alors, attends. Si, ils peuvent prendre de la prison. Non, non. Si, si, il y a des prisons pour mineurs. Oui, mais ils prennent, ils ont jamais 15 ans. Alors, attends. Même pour meurtre, ils prennent pas 15 ans, alors. Pour moi, ton histoire, elle est vraie. et t'as juste changé la fin. Non. En te disant, le mec va prendre 15 ans. Parce que même mineur, tu peux pas prendre. J'ai pas pris. Bon, elle est vraie ou faux déjà? Mais du coup, elle est fausse. Ouais. Elle est fausse. Je suis désolé de te dire ça, mais on peut pas mettre 15 ans à un mineur. Oui, enfin, c'était à. Je savais pas. Hein, bah, mais c'est pour ça que j'ai dit. Parce que techniquement, quand t'es mineur, t'es sous la responsabilité de tes parents. Non, mais ça n'a rien à voir. T'as le droit de faire des conneries aussi quand t'es mineur. Parle plus près, Antoine. Oui, mais techniquement, tu peux pas faire en prison quand t'es mineur. Si, tu peux aller en prison pour mineur, effectivement. Oui, voilà. Mais tu prendras jamais 15 ans. Non, tu peux pas prendre 15 ans pour ça. Non, mais je suis pas. Comment dire. Attends, mais dis-moi, c'est pas la première fois que tu inventes une histoire? Bah. Moi, je dis qu'on peut finir. Si, bravo. Bravo. Incohérente, mais bravo. Incohérente, mais il a réussi à avoir quelques personnes. Il avait quand même de l'idée. Je ferai mieux la prochaine fois. Alors, ou pas. Moi ça va être long. Ça prend la moitié de ma feuille. Oh non, bah je dors. Alors, moi, je mets trop pire. Tu vas aimer. Du coup, en plus. Qui a eu. Attends, ça parle de bois. Il y a eu du. Pour les points. Ouais. Je crois qu'on a tous le point, non? Non, pas moi. Ah non, vous pas avez moi, tous faux, mais... vous avez tous écrit vrai. On a écrit vrai. Y'a que moi qui écris. Genre, non, tu te parles. T'as mis vrai. J'écris vrai. T'as dit. Vous étiez tous à vrai en vrai. Non, j'avais faux. Non, je crois que Théo avait écrit. En fait, non, en fait, t'as dit je mets vrai, mais je pense que t'as par changé contre, la. Ces trois-là, ils avaient écrit. Ça, non, j'avais mis faux. Je pense que c'était. Je suis pas d'accord. Je te jure. Tu vois, c'est pas grave. Bon, on s'en fout. Ok. Donc, ouais, ok. Donc, t'enlèves ton point. Ouais, non, mais ok, je mets pas. Non, mais. Qui dit que trouver l'amour. Mais c'est parce que je le pensais, en fait. C'est pas grave. Quoi? Qui dit que trouver l'amour était plus facile quand t'es riche, belle et célèbre? Bah, tout le monde. Eh ben non. Pas Emma Watson. La star de cinéma a récemment fait les frais de sa notoriété. Elle n'a pas eu de rendez-vous raté, et personne ne lui a posé de lapin. Non. Elle s'est retrouvée tout simplement bloquée sur une application de rencontre. Ouais, comment les stars aussi vont des applications de rencontre. Ah, mais parce qu'ils l'ont pas reconnue. Et pour cause, certains utilisateurs ont estimé que son profil était trop beau pour être vrai. Ouais. Je suis allé sur le site de rencontre Bubble, donc c'est un site anglais pour le coup, ouais. Et ils ont fermé mon compte. Certains utilisateurs ont signalé que ça ne pouvait clairement pas être moi. Ouais. Déclara Emma Watson. Et attends, t'es en train de nous dire que Clara. Que Emma. Lui, il est sur un film de cul. Que Emma Watson a du mal à trouver. Non, mais c'est surtout qu'Emma Watson est célibataire. Bah oui. Ah, c'est un bon plan ça. C'est quoi son site là? Bubble. Elle avait pas un mec elle? Bah merde. Oui, mais ça se finit comme toutes les histoires. Attends, Emma Watson, elle est mignonne. Hein. Oui. Et elle est canon. Elle est bien. Hein. Ouais, ouais. Scarlett Johansson, c'est la mieux quand même. Quoi? Non, n'importe. Oh non, je m'en fous, je fais pas le difficile. M'en fous. J'aime bien Emma Watson, moi. Moi, je prends tout, moi. Bah là, non, à ce stade-là, tu prends Scarlett Johansson ou. Ouais. Ou Emma Watson, de toute façon, ouais. Tu diras jamais non à l'une ni à l'autre. C'est le top level, ouais. Bah ouais. Bon. Donc, elle avait tweeté ça, que les gens, ça pouvait pas être elle, enfin voilà. Et du coup, elle a dit à Bubblegum. Ah, ça m'a démangé de le dire. Elle a dit, hé, Bubble! Est-ce que être moi est disqualifiant? Laissez-moi entrer dans ta ruche, parce que Bubble, ça joue avec le sens du mot. En anglais, ça signifie bourdon. Ah, ouais. Ah ouais, c'est genre, ouais, nous, on allait, comment ça s'appelle, adopter un mec, là, avec un oui. caddie. Oui, là-bas, ils ont eux des, ont des ruches. Ruches. Okay. Entre dans ma ruche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a du miel à l'intérieur. Mais ouais, en fait, j'ai cru voir cette information, mais c'était pas, mais c'était une autre personne, non? Je sens que c'est vrai, mais j'ai mis faux. Ah, mais je sais pas en vrai. Hein. Vous pouvez encore changer, j'ai rien dit non, de toute façon, mais. Okay. Lui, il a écrit vrai, faux. Ouais, c'est ouais, faux. Effectivement, c'est faux. Oh. C'était mais pas une autre vrai. Personne, c'est une autre personne. C'est vrai, c'est bah, une autre personne. J'ai gagné. Ah, voilà, je l'ai j'ai mis Emma Watson parce que bah, j'adore Emma Watson. Mais non, c'est faux. C'est Sharon Stone. Voilà. C'est une boomer. Je l'ai vu. Ah, la fameuse Sharon Stone. Ça veut dire qu'Emma Watson n'avait pas célibataire? Non. Je sais pas. Je sais pas en vrai. Attends, j'ai voir sur internet. Je suis triste, là j'avais un espoir et tout. Et puis, mais tu parles anglais? Tu peux toujours essayer Sharon Stone. Non, je parle pas anglais, mais bon, laisse-moi rêver. Oh. Elle parle français de toute façon. Bon bah voilà. Elle est née en France. C'est vrai, Emma Watson est née en France. Elle parle très bien le français. Bon bah j'ai re-espoir. Sinon, au pire, t'as Sharon Stone. Ouais, mais elle est trop vieille. Ouais, bah ouais, mais c'est pas grave, elle est riche. Ouais. Mais... Et elle a 29 ans. Hein. Qui? Emma Watson. Ah oui, bah oui, je sais. Elle les fait pas, hein. Non. Et eh ben on va continuer avec un garçon qui en a 24, Antoine, je crois. 23. C'est quoi le rapport? Ouais, genre, ça serait pas la chanson frère. Oui, mais 24 cette année. Fais pas de transition comme ça. Tente pas le diable. Tu sais qu'elle connaît même pas le jour de mon anniversaire, c'est ça le pire. Bah, personne le connaît, on mais s'en fout. Tout le monde le sait. Elle connaît la décennie de ton anniversaire, c'est déjà bien. Moi j'ai toujours un doute entre le 20 et le 21. T'es un millénial. Ouais, voilà, un jour près. Avec moi on va remonter le temps. Bah remontons le temps. On remonte à 78. Ouais, vous êtes des millénials. Quoi? Alors, vas-y Antoine. Oui, voilà. Donc en 1978, deux amis qui font des travaux chez lui, non. Ils creusent un trou. Je dis oui. C'est génial. Donc ils creusent, ils font des travaux, ils creusent. Ouais. Et ils ont découvert une Ferrari Dino 246 GTS. Il y a une Power Rangers. Alors, attends, ils creusent, c'est-à-dire... Bah gros, dans le jardin, toi, ils creusent dans le jardin. Et comment tu peux retrouver une Ferrari sous terre? Et en fait, c'est l'ancien propriétaire qui l'a enterré pour toucher l'assurance. Ah. Donc, est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est une fausse? Moi, je me demande, est-ce qu'en 1978, est-ce qu'il y avait des Ferrari? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr que oui. Bah, bien sûr. Crap, punaise, j'ai un doute. Hein. Arrêtez de faire les gars, j'en sais rien. Moi. Pourquoi il n'y avait pas de Ferrari en 78? Je prends le risque. Ouais, c'est une vraie histoire. Vas-y, par contre, arrête, tu vas me foutre des coups. C'est vrai que venant d'Antoine, ça pourrait être une vraie parce qu'il l'aurait pas inventé. Mais c'est bon. Une vraie histoire. Bah, j'ai envie de dire faux. C'est vrai. Oh, ok. Donc j'ai bon. Cool. Putain, je fais chou blanc, merde. Ce qui va se taper les jingles à la bouche. Bah, encore toi, Jo. C'est... En fait, on devrait le prendre en voix off, Johan. Que... Non, mais surtout, Johan, c'est. On lui donne un mot, il dit juste le mot, il dit voilà, vous êtes sur Actusolite, merci. Mais non, il fait plus loin. Mais plus tu rigoles long, ou quoi long. Mais si, il va nous faire une phrase complète parce qu'on va lui donner une phrase complète. Un sujet, dans un le complément, jingle. Un verbe. Exactement. Bonjour. Anticonstitutionnellement. Anaïs, oula. Ton oui. Histoire. Alors déjà, faut savoir, donc ça se passe en Albanie, et faut savoir bah, que là-bas... il a déjà mis faux. Non, ça c'est vrai. Les plans de bah, la drogue, les cannabis et tout, c'est interdit. Jo! Alors attends, qu'on vous explique quand même. La ruse à deux balles de Jolan, il a écrit d'un côté, parce que c'est des ardoises à double face. C'est trop bien! D'un côté, il a mis faux et de l'autre côté, il a mis vrai. Comme ça. Tiens, il peut tricher au dernier moment. Ouais. Non, mais lui, il faut le surveiller, là. Hein. C'est pas mal, je l'aime pas mal. Ouais. Donc, je reprends du début, merci. Donc, en fait, il faut savoir qu'en Albanie, bah, le cannabis, c'est strictement interdit. Oui, comme en Et France. Et donc, t'as... Pas partout, hein. Bah, en France. Sûr, bah, en France bah, oui, en France, mais je veux dire... Pas partout aussi, à Marseille aussi, hein. Toi, t'en as trop fumé, mais... je crois. Ouais. Non, mais je veux dire que... il y a des pays où c'est pas... Ah, dans voilà. Des pays. Mais la France, c'est un pays... Oh, tu m'emmerdes. Alors, il y a un homme de 27 ans qui s'appelle Ardian. Il a décidé de faire pousser des plants de cannabis dans une très grande véranda avec des... Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est déchaîné ce soir. Alors Donc, avec des lampes, de la chaleur et tout. Ouais. Il en a en effet planté 54. Et puis un soir, en allant voir ses plants de cannabis, il remarque qu'il lui en manque 13. Donc, il lui en reste 41. Affolé, il avait complètement oublié que c'était interdit. Il était vraiment affolé. Attends, il avait oublié. Comment tu peux oublier? Non mais que non mais pas oublié, mais je veux dire. Alors déjà le mec, il a un nom qui s'appelle pas albanais. Non, mais... et en plus il a oublié que c'était interdit. Non mais il est... non mais c'est pas ça. Mais genre dans le fait de l'action, il était tellement affolé. Dans la déduction, moi je dis que c'est faux. Mais ta gueule. Il était voir les flics. C'est ça. Il a été porté plainte parce qu'on lui en avait. Non mais sans déconner, parce qu'on lui en avait volé. Donc du coup il a porté plainte et c'est une fois que le mec lui a dit que c'était 7 500 € d'amende et 2 ans de prison qui s'est rendu compte que ça, de sa bêtise en fait. Il y a trop de détails, c'est vrai. C'est et donc du coup bah ils ont été détruits. C'est les plants de cannabis ont été détruits. Alors, évidemment. Il y en a des cons. Hein. Là il est top level si ça existe. Ouais. Là il était top level. Est-ce que c'est une vraie histoire ou une fausse histoire? Moi je dis. Ouais, faux. Ça veut dire quoi faux. Déjà YOLO? en gros ça veut dire ouais ok. You only live once. Alors Jolan il met faux. Teddy tu as mis vrai? Non il a mis vrai. Mais tu mets vrai ou faux toi? Tu mets ouais, faux ouais. J'ai mis vrai, j'ai mis vrai. Teddy a mis vrai. Antoine t'as mis quoi? Faux. T'as mis faux. Amel t'as mis faux. Et j'ai mis faux. C'est une vraie histoire ou pas? Ouais. Oh la vache. Non je rigole, elle est pas. Yes j'ai un point. Bon. Cool. En vrai, elle était sympa l'histoire. Elle était sympa. Ça a inventé de mon imagination. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais franchement, si ça avait été un vrai, les gars, non, mais par contre, j'ai vraiment vu qu'il y a un mec qui a porté plainte parce qu'on lui a volé, je sais plus, un joint ou je sais plus trop quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai par contre. Ouais. Non, mais. Ouais. Voilà. Voilà. Oh, c'est bon. On termine par l'histoire d'Amel. T'avais déjà dit la tienne? Ouais. Ah putain, c'est vrai. Alors, moi, ça se passe à Paris, hein. Oh putain. Il y a un avion qui décolle vers 15h. Quand aujourd'hui? Mais non. un jour. Qui décollait vers... Non. Qui a décollé. Qui a décollé, ouais. Qui décollera. Nous décollâmes. Vous décollâtes. A décollé, décolle et décollera. Vous, je serais sérieuse à chaque fois, là. Alors, il y a un avion qui décolle vers 15h... je sais plus quand. Mais oui, mais vous m'avez perturbée, donc, là. Comment on dit qui a décollé? Voilà. Il y a un avion qui a décollé vers 15h de l'aéroport à Paris. Ouais. Deux c'est heures faux. À... Il décolle jamais à 15h. Il y a grève. Putain, vous êtes cons. Deux heures après, le pilote dit à son copilote qu'il s'absentera 3 minutes, tu vois. Et du coup, au bout de 10 minutes, bah, le copilote s'inquiète de l'absence du pilote. Ouais. Je sais pas si vous voyez entre copilote et pilote. La petite diarrhée. Vous me suivez? Qui va bien. Paniqué, du coup, il fait une annonce pensant que c'est une attaque terroriste. Du coup, les voyageurs sont paniqués. Des avions de chasse vont bientôt décoller pour venir à aider l'avion. Mm-hmm. Mais 4 minutes après l'annonce... Du coup, ils entendent un gros bam, et en fait, c'est le pilote qui a défoncé la porte des toilettes parce qu'il était bloqué dedans. J'avais dit qu'il était aux toilettes. Mais ouais, mais moi, c'est tout le temps. En même temps, elle passe sa vie aux chiottes, excuse-moi. J'ai les dents de merde là, il marche plus. Alors, est-ce que c'est une vraie histoire ou pas? C'est qui est venu l'aider? Non, mais il est sorti tout seul. Non, mais les avions là, c'est qui était censé venir? Les avions de chasse, l'armée de l'air. D'accord, oui, carrément. Ah, dis, les avions de chasse, pas dit armée de l'air. Et moi, je m'y connais pas. Ouais, justement. Mais lui, regarde toutes les réponses, ouais, il fait, oh, y a plus de faux, ouais, oh. Je vais mettre faux. Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, mais pourquoi il pose cette question-là. Alors pour moi, c'est faux. On a pas mal de faux, mais on a une vraie, c'est Antoine qui a mis vrai. Est-ce qu'il a la bonne réponse? Eh bah, en vrai, c'est faux. Donc c'est faux, ok. Mais vraiment, c'est vraiment issu d'une histoire réelle. Ouais. C'est vraiment... Réelle. Non, réelle. Ouais. Oui, inspiré d'une effet... Ouais. Et en fait, c'est vraiment du coup... bon, ça s'est pas passé comme ça. Après, le copilote, il l'a cherché partout, mais il a pas fait d'annonce. Mais en gros, oui, il a cherché son pilote partout, paniqué. Mmh. Il a prévenu en bas que du coup, bah, il voyait plus le pilote. J'ai perdu le pilote. Et en fait, ils ont commencé à s'envoler, là, les avions. Allô, Houston. Mais vraiment des avions de l'armée de l'air? Oui, ils ont commencé à décoller, sauf qu'au moment qu'ils ont décollé, bah, en fait, ils ont retrouvé le pilote dans les chiottes. Ok. Ah, mais j'aurais pas pensé que pour, enfin, tu vois, sur 4 minutes d'absence ou 10 minutes d'absence, tu t'appelles l'armée de l'air pour ça, quoi. Bah, tu dis que c'est pas normal. Bah, tu sais, tu te dis, le gars, il est censé revenir pour venir. Putain, mais je suis. Ouais. Et alors, je me demande comment tu fais, même si t'es l'armée de l'air, ok, hein, mais pour. Comment dire? Enfin, pour accoster. Tu vois? Ah, si ils tu ont pas. Des trucs spéciaux pour ça. Ah bon? Ah ouais. Mais c'est chaud. Ouais, bah c'est chaud parce que c'est pas déjà deux voitures, imagine deux voitures sur l'autoroute pour te mettre au même niveau et tout ça. Alors deux avions, faut ouais. pas qu'ils se rentrent dedans. Quoi. Sinon ils l'éclatent en faut fait. Faut pas qu'il y ait de touchette. Ah sinon ils éclatent l'avion, bah comme ça y'a plus de problème. On avait pas retrouvé le pilote, du coup on a éclaté les 200 passagers avec. YOLO. Ok. Bon, combien de points vous avez les gens? 2, 3, 4. 4. 2. Ah, c'est Jolan et Teddy qui font les jingles. Et vont faire les jingles là, pour la suite. Je vais faire des voix, enfin, une caméra. Bah ouais, non mais c'est Et du coup, Jolan, on lui donne quoi comme mot? On va... ouais, alors Jolan, on lui donne une phrase. Spermatozoïde. Carrément. Non, bah non. Spermatozoïde. Et un autre mot. Ambulant. Sérieux? Ambulant. Ambulant? Ouais. Spermatozoïde ambulant. Et Teddy, il aura... Licorne rose. Tricélécoque. Non, je préfère la licorne. Je peux avoir une licorne rose. Comment? Triceratops? Je peux avoir une licorne rose. C'est ça que t'essayais de dire? Oui. Triceratops. Essayez de dresser la toque. Dresser la toque. Je peux avoir la licorne rose, c'est plus mignon. Alors, Triceratops pour. Qui éternue? Je peux faire une suggestion. Non. Spermatozoïde. Comment c'était? Spermatozoïde. Ouais, ambulant. Ambulant. Ambulant. Ambulant. Pour Jolan. Voilà. Ok, si. J'ai pas d'inspiration avec ça, bordel. Bah ouais, non, ça. Alors, Anaïs, tu parlais tout à l'heure de drogue. Mais. Nous avons fumé un pet. Bon. Nous, on a écrit une chanson sur la drogue. C'est la YOLO musique de la semaine. C'est vraiment un mytho, je l'ai écrit seul. T'es pas chier, hein. Oui, pendant une conférence en plus. Ouais. Ouais, bon. J'ai écrit la chanson sur la drogue. Parce qu'on s'était donné comme thème, comme mot, comme ça. On avait dit l'herbe grise. Et du coup, il fallait faire une chanson à partir de ces mots-là. Donc, on se dit, ouais, pourquoi pas la drogue, l'idée de pouvoir s'en sortir, etc. On va vous proposer cette YOLO musique à nous, dans Actu Solide, dans un instant. Et avant cela, on a une vraie musique, qualitativement parlant, beaucoup plus sympa. C'est un bootleg, c'est DJ I, Hello, c'est vraiment toi. Ils ont mélangé Martin Solveig et Téléphone. Et ça donne ça, les copains. Amis, spermatozoïde ambulant, si vous écoutez Indestar, vous êtes sur la bonne antenne. C'est fini. Voilà. Tu vois, je te l'avais dit, là, je suis chez moi, je suis une Mais au moins, je place mon mot. Non, mais c'est bien. C'était bien. Non, mais surtout qu'il avait 3 minutes pour la faire alors que. Ouais, attends, j'étais à fond dans la musique. J'étais à fond dans la musique. Hein non, non, en vrai, il était à fond dans la musique et je le comprends pas. Toi, t'es fait ça par du jus de pamplemousse. Non, mais, c'est... non, mais ta gueule, c'est téléphone, c'est trop beau. Hello, c'est vraiment toi, mix entre téléphone et. Je vais la réécouter dans la voiture. Martin Solveig, ça fait du bien à entendre, ça fait du bien aux oreilles, ça fait du bien par là où ça passe. Non, mais vas-y, tu fais ça juste pour avoir du jus de pamplemousse, on le sait tous. Pas du tout. J'en ai dit, en parlant de musique qui fait du bien par là où ça passe, on va s'écouter. À part les oreilles, évidemment. On va s'écouter. Ouais, t'as dit quoi là? On va s'écouter. On va nous écouter. C'était quoi ça? Pourquoi il a gueulé lui Non mais parce que non, je sais pourquoi il a gueulé. Il a gueulé parce que au début, quand il a voulu faire de la radio, je lui dis surtout quand on annonce un titre, on dit pas on va s'écouter parce que c'est pas français. C'est-à-dire que si tu dis on va s'écouter, c'est-à-dire que tu t'écoutes toi. Mais là c'est le cas. On va s'écouter. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on a fait. Tu joues trois chez moi là. À vous, Allez, tu vas à vous, tu t'es chié dessus. Mais non, c'est trompé. Pas du tout. J'ai fait exprès. On va s'écouter. Arrête, t'es de mauvaise foi. Mais ouais, grave. Là, je suis. Non mais en vrai, il a raison. Bah oui. Mais raison, non évidemment. Mais toi t'as un lèche-cul aussi. Alors bien, toutes les semaines. C'est des dans cette équipe. C'est pas vrai. Toutes les semaines. Je vois pas de quoi tu parles. On écoute. Oh, toutes les semaines on écoute des YOLO music. Des YOLO music, c'est ça par exemple. Ah, le ah, début quoi. Tu mets du mal à commencer. C'était pas. Ça me dit quelque chose. Attends. Oh, c'est ça par exemple. J'ai bien entendu. Voilà. Oh, il est horrible. Eh, c'est pas avec un petit chat et un arc-en-ciel le... Ah, c'est japonais ça. C'est ça. Ouais. Voilà, bon, c'est de la musique qui est faite soit par des amateurs, soit par des professionnels, qui reste dans la tête. Hein mais... C'est pas Nyan Cats. C'est pas Nyan Cats. Non, non, non, c'est pas Nyan Cats. Non, ah, non, non, t'inquiète, non, je le connais, Nyan Cats. C'est un truc japonais. Ah, mais miam, miam, miam, miam, miam. Ah oui, t'as raison, tu vois. Et ça pendant 7 heures. Il y a des mecs qui ont fait des challenges, j'ai écouté ça pendant 24 heures. Là, depuis le début de l'année, nous avons comme objectif chaque semaine de vous écrire une musique, alors soit sur une base existante, soit sur de la musique indépendante, et de vous la chanter normalement en direct, sauf que là, on s'est dit, on va faire une vraie production. On a surtout utilisé... qu'elle était très compliquée à faire en direct. Elle était très compliquée à faire en direct. Donc le thème est un petit peu sombre parce que nous avions choisi comme, comme mot-clé l'herbe grise. Donc l'histoire d'un mec qui a envie d'arrêter la drogue, mais seulement arrêter la drogue, c'est un petit peu compliqué. La note d'espoir de ce soir, c'est Actu Solide, c'est un titre en exclusivité pour vous. Ça s'appelle L'herbe grise et ça donne ça, les amis. Je me réveille, la tête dans le cul et le cul en l'air, dans un champ de misère. L'herbe est grise et le temps assombri, est-ce un défi qu'on m'aurait donné pour me faire galérer? Mais je me suis relevé, car je suis un homme et un homme qui vit, mais qui déprime. Parce que je vois tout autour de moi rien qu'un champ de mine. Comme si une bombe avait frappé là l'amphétamine. Et ce mélange de bœufs qui me met dans le mal, mais à quoi ça rime? Car le retour est dur et il me fait mal. J'ai mal, mon cœur vacille, mon cerveau ne répond plus. Je suis perdu, perdu. Et si cette herbe grise était le mal absolu, je fume, je fume. Mais les conséquences de ce surplus sont là. Et me noie dans une euphorie qui n'est pas la vie, la vie. C'est dur de me voir comme une, comme un garçon en toc. Mais dur de laisser de côté mon penchant de camé, de laisser tomber. Parce que je sais que ça peut tout changer et me faire glisser. En voulant m'en sortir encore plus, m'affaiblir alors choublé. Je m'en regris une pour oublier mes ennuis un bon moment. Mais de courte durée, le trip annoncé, c'est en toussant que je vais gerber ma réalité. C'est pourtant ma vie que j'aimerais changer, mais il faudra m'aider. J'ai mal, mon cœur vacille, mon cerveau ne répond plus. Je suis perdu, perdu. Et si cette herbe grise était le mal absolu, je fus. Je fume, mais les conséquences de ce surplus sont là. Et moi, dans une euphorie qui n'est pas la vie, la vie. Arrêtons les conneries, prenons le contrôle de nos vies. Ouvrons les yeux pour aller mieux. Topons les bêtises, mettons fin au malheur. Pour que cette herbe grise retrouve ses couleurs. Wesh wesh yo ouais. Et voilà, et on peut s'applaudir. Ouais. Non mais en fait, je viens de repenser un truc. Moi Anaïs, on dirait vraiment des dépressifs. Cette musique est presque bien réalisée. C'est vrai hein. Ouais. Franchement, c'est peut-être, on va dire, un peu bancal et tout ça, mais au final, ça vient de niveau de Joule et tout ça, en vrai. Oh, le salaud. C'est... En vrai, et je sais pas si ça se voit. Eh, hey, ça revient attends. Au niveau de Joule, mais nous comprend, moi. Oui, ouais. Non, mais que quand elle chante en canon, des fois il y a des moments où ça se désynchronise. Mais c'est pas mais tu tout sais à que... fait ça, mais j'avoue que je suis content quand même. Hein. Ouais, ça rend bien en vrai. Mais non, mais attends, là, tu veux secouer la tête et tout. Sans déconner, pour le refrain, on a mis une heure et demie. Il y a que 4 phrases. Ça, hein. Faut pas le dire. Ça. Ça a été coupé au montage. Évidemment. Et on n'a pas entendu Jolan, évidemment. Si, à la fin. À la fin. C'était pas Antoine ? Non, c'était Jolan. Il y avait Jolan et moi. On l'a pas entendu. Bah, bien sûr que si. En fait, Teddy, je t'explique. Au départ, moi, Anaïs, on a commencé à chanter le refrain. Sauf que les garçons, ils étaient là en mode oui, vous mettez trop de temps, vous savez pas faire le refrain, machin. On a fait ok, on vous laisse faire. Ils l'ont fait, catastrophe. Avec Anaïs, on s'est repris. On l'a fait, on a réussi. Les garçons, ils avaient 4 phrases, une chacune. Donc ça fait 2 chacun. Ils arrivaient pas à le faire. Non, on rectifie. Déjà, moi, j'avais le bon tempo. Mais j'avais pas les paroles pour le refrain. Bah, il sait pas lire encore. Mais nous aussi, on n'avait pas les paroles non plus. Il a dit que j'avais le tempo pour le refrain. Oui, mais si t'as pas les paroles, tu peux pas avoir le tempo. Mais on n'avait pas les paroles non plus. En fait, on avait toutes les paroles devant. Mais c'est ça, Non, mais je veux dire, on l'a trop compliqué. Trop compliqué les paroles. Oh là là. Attends, comme Eurofi. Eurofi, c'était compliqué. Il a dit Eurofi. Il dit, je sais pas ce que c'est que l'Eurofi. Peut-être que c'est euphorie alors. De la chlorophylle. Ça, c'est la chine. C'est pas grave, Antoine, on t'apprendra. Bon, en tous les cas, on a tous participé, tous sauf Teddy. Donc peut-être oui, que la mais moi, semaine c'est que prochaine, je serai pas là, c'est pour ça. La semaine prochaine, il s'en fait une solo. Non. Tu vois pas pourquoi je prendrais un blâme, c'est juste que je n'étais pas là à cause solo. D'un tournage. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, et moi, c'était tout le week-end, hein, c'était pas une après-midi. Donc j'ai tourné plus longtemps que vous. Non, mais là, on est d'accord que on m'entendait moi à 80% et 20% pour les filles. Et ouais. Non, 18% pour les filles et 2% pour les garçons. Ouais. Même 1%, 0,5% pour Jolan. Donc, je l'ai pas entendu. Je prendrais 10% sur le revenu. Jolan, il fait la dernière phrase. Fait pour que cette herbe grise retrouve ses couleurs. Je peux pas tilter. Tu l'as coupé. Non, il est pas coupé. Ils l'ont dit une autre, hein, mais c'est vrai que c'est court. Mais la semaine prochaine, ils se rattraperont au tirage. Oui. Voilà. Bon, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé hein, sur la page Facebook. On n'attend pas non plus des compliments. En vrai, je l'ai en tête. Hein, genre, le refrain, je le connais par cœur. Vu qu'on se l'est fait en boucle pendant une heure et demie, ouais, on avait par cœur leur refrain. Par contre, ceux qui veulent nous piquer les paroles, on les vend. Copyright. On les vend. Copyright, sinon. Hein. Mais bien sûr. Tant que t'as pas mis copyright, t'es dans la merde pour les vendre. Vous l'avez mais compris, on fait au sérieux. Hein, on fait ça juste pour le fun et nouvelles chansons à découvrir la semaine prochaine dans Actu Solite. On passe à la suite avec la manifestation insolite de la semaine juste après Audrey dans sa bulle qu'on avait reçue il y a 2 ans. Son titre s'appelle Like Animal, comme un animal, et c'est maintenant sur Indestar et dans Actu Solite. Bien le bonsoir à toute la famille Indestar. Et si vous aimez les Triceratops, on a Amélie qui l'imite très bien. Hein, Amélie? Ah non, bon c'est pas grave, bon bah tant pis, il nous reste Actu Solite. C'était bien, c'était pas mal. Mais comment faire, je veux plus qu'il m'appelle Madame Beach. Mais comment faire, il est parfait. Je le veux, il sait qu'il peut tirer son coup quand il veut. Déjà goûté à la perfection au masculin. Connais-tu les courbatures causées par la baisse entre terrain? Avec lui, j'ai connu. Mais tu sais pas comment ce mec peut me mettre à l'aise. Pas de sentiment, juste un putain de plan que j'aimerais m'approprier lentement, mais je le vois que de temps en temps. Lisa Monet, c'est ça. La meilleure dick, c'est à lui. Mais pourquoi n'est-ce pas l'homme c'est ça. Qui partage ma écoutez bien les paroles. Ma baisse pleine à tes valeurs, il pourra jamais me faire mal au cœur. Qui ferait tellement voir plus souvent. Mais fuck, monsieur n'a pas le temps. 1m90 et 100 kilos de muscles. Cet homme m'a rendu accro à son vrai calibre et lui à mon cul. Quand il me baise, je plane. Alors. Et ouais, les meufs, ce beau métis ne me baisse pas comme un âne. Hein. 20 cm de bite, comme mon meilleur plan. Sur son beau calibre, miam, ça m'excite. Voilà, bon, donc ça c'était Lisa. Soit je vois pourquoi elle est dérivée un peu. Je sais pas, moi j'ai pas entendu. T'as pas entendu? Mais pourquoi t'as pas de casque? Ah bah il y a pas de casque. Chez pour ta gueule, dommage. T'avais pas besoin d'écouter. Parce que c'était tellement bon, c'est tellement bien écrit. De quoi mettre une bonne gueule? Quoi? Non, en vrai, elle est dégueulasse. Mon générique était bien. Ouais, écoute, déjà, musicalement, c'est dégueulasse, mais en plus, physiquement, elle est dégueulasse aussi. Hein, voilà. Ah bon? Ah oui. Ouais, ah non. Bon. Ouais. Si c'est la petite fille de Jean-Claude Monet, peut-être que c'est normal. Non, mais je te montrerai. Mais disons que. Alors, il y avait Cyprien, vous connaissez le youtubeur Cyprien, ouais. Et il avait fait. Il avait fait une parodie, il avait fait un sketch sur Lisa Monet, et justement, genre Lisa Monet cherche ses clés, tu sais, elle fait tomber ses clés devant, et elle a tellement des boobs énormes qu'elle voit pas. Ou sans mes clés, ou je sais pas tout. Ah, c'est très drôle. Vous pouvez la retrouver sur internet, le titre s'appelle My Best Plane. Et elle en a un autre aussi qui s'appelle Yaourt aux fruits. Ah oui, putain, c'est yaourt aux fruits. Putain, je m'attendais à autre chose, venant du actrice porno, tu vois, du yaourt aux fruits. Bah, le yaourt aux fruits a une autre signification, effectivement. Oui. Ouais, tout à fait. De quoi? Fais voir. Ouais, c'est elle, ouais. Ouais, il s'est branlé sur celle-ci hier. Tu vois juste les nichons. C'est vrai qu'elle est dégueulasse. Ouais, non, elle est pas très belle. Tu vois, Antoine? Ah non. Mais bon, t'aimes non, bien. Non, Antoine, c'est que t'as aucun goût, Antoine. Ça mais ça, on le sait que t'as Antoine, des goûts de chien. Antoine aime bien. Antoine, il aime bien les poubelles. Ah bon. Vas-y, montre. Moi, je trouve que ça va. Hein. Il rêvait d'être éboueur quand il était petit. Non, mais y a pire. Ouais, ouais, il y a pire. Franchement, je suis pas fan, je la trouve vulgaire. Bon, déjà, en plus, quand elle chante. Non, mais même, je m'y connais en jolie femme, et ça y est pas. Non, autant Emma Watson, oui, autant Lisa Monet, non. Parle dans ton micro, Antoine. Rien à voir avec le peintre. Il y a pire. Oui, ah bah il y a toujours pire, ouais. Ah, mais Antoine, c'est un dalleux, en fait, il prendrait ce qu'il y a. Tant que ça... De visage, ça va. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ça, c'est ce qu'on dit des gens qui sont moches. T'as un visage pas mal. De derrière. Dans le noir. Bon, on termine, on juge pas sur le physique, mais quand même, Lisa Monet. Un petit peu. Tu viens de faire un paradoxe. Ouais, t'as vu le mot que je viens de t'employer? Un paradoxe. Ouais. Surtout que tu l'as mal employé, mais on verra. Ce que je voulais dire, c'est que Lisa Monet, elle se met en avant. Genre, ouais, regardez-moi, je suis trop belle et vous adorez mon cul. Alors qu'en fait, non, franchement, non, Lisa. Elle a des implants, elle a une perruque. J'ai rien contre toi, mais non. T'enlèves le maquillage, la perruque, les boobs. C'est... Ça ressemble à rien. C'est un zombie, le bordel. Ça trouve les plus jolies. Une aiguille et ça perce tout et ça. C'est très rare quand les actrices porno sont plus jolies sans maquillage. Hein. On termine cette actu solide comme tous les lundis soirs par la manifestation solide de la semaine que nous a préparée Amel. Eh oui. Ouais. Sinon, attendez avant. Mon jingle était bien. Ouais, il était bien. Ouais, franchement, il était bien. Il était sympa. Merci, j'avais besoin d'un peu de fleurs là. Voilà, vas-y, bon, tu peux reprendre. On part à Massif de Sancy. Au Massif. Ouais, dans le Massif de Central. Ouais, je crois. C'est en France. Ouais. Ouais, c'est bien. Non, je crois que c'est dans le Massif Central. Vous nous dites si vous êtes du Massif Central. Yes, en France. Attention, tu as un peu On va faire de la raquette des neiges. Non, pas toi. Ouais. La raquette des neiges. Bah oui, tu sais, c'est l'hiver plutôt que de marcher faire dans la neige, mais en raquette. Les vieux, ils aiment bien marcher dans la neige en raquette. Oui, c'est vrai, je vois ce que c'est. Et du coup, on dit ça une raquette parce que tu peux utiliser aussi des raquettes de tennis pour faire ça. Ouais, tu peux, ouais. Mais c'est bien. Ça, c'est le système D, mais. Oui, mais tu peux aussi. C'est raquette un peu spéciale. Mais non, mais c'est cool des raquettes de tennis comme ça. L'été, tu fais du tennis. L'hiver, tu fais de la raquette de neige. Tu vois, double utilisation. Ah, il est lourd. Non, mais c'est bien. Et du coup, vous avez un guide avec vous et vous faites ça de 10h à 16h. Mais vous faites pas que ça. Vous avez c'est génial. Vous allez découvrir des espèces d'arbres. Ouais. Ceci est un chêne. Vous pouvez identifier aussi des traces d'animaux et les suivre. Putain, le mec, il croit qu'il a des scouts, en fait. Mais arrête, c'est génial. Ah merde, c'est un pigeon. Mais arrête, c'est génial. C'est Bear Grylls, ce mec. C'était mon chien. Je l'avais perdu. C'était Yuki. Il était... J'aime bien clasher. Non, mais c'est cool. Hein. C'est un York Moot. C'est quoi un York Moot? C'est une race de chien préhistorique. T'as pas vu un riz? Riri? Gris. Il va faire de noir. Ta gueule. Le mec, il est canadien, il a déformé le nom du film. Nous, en France, ça s'appelle Gris. Lui, chez lui, ça s'appelle Riri. Ok. Oh merde. Et t'as vu Riri, Ahmed? T'as vu Riri, t'as tout compris? Mais non, j'ai pas vu Riri. Ah bon? Du coup, c'est Riri ou Gre? Moi, je comprends plus rien. En fait, c'est que des R. Ouais, oui, c'est préhistorique, donc c'est Riri. Ah! Ah! C'est Non, c'est quand tu fais Gre. Film de Alain Chabart. Ah non, mais c'est que des R. Oui. Bah, ça fait Riri. Je sais pas, ce que je viens de te dire, c'est que DR. C'est un temps préhistorique, c'est un écromant. Enfin, non, un sorcier, il a un petit chien. Ouais, bah, et c'est un York Moot. Ouais. Je sais pas s'il y avait vraiment une histoire. C'est un mélange entre un Yorkshire et un mammouth. C'est un Yorkshire avec des défenses. Ouais, c'est ça. T'as vu comment qu'il y en a là-dedans? Bah. T'as mélangé un Yorkshire et un mammouth. T'as imaginé la reproduction, bordel ou pas? Bon, il va prendre cher. Revenons, si vous voulez dire, sur cette fabuleuse manifestation. Sur nos moutons. Sur nos moutons. Sur nos Yorkshire. Nos mammouths. Ouais, ok. Nos York Moot. Alors, ils étaient sur la piste des York Moot. Et sur... Je l'ai tué. Et surtout. Non, mais là, je vais parler sérieusement. Ouais, non, pardon, excuse-toi. Non. Et surtout, le plus. le plus important dans c'est cette. Qu'ils ont voulu Yorkmouth. C'est que c'est gratuit. Non, non, bah non, non je sais pas. Dans cette, dans cette manif, c'est que du coup, tu peux apprendre à porter secours à des personnes victimes d'avalanches. Ouais, en suivant des animaux. Mais non, il est con ou quoi? J'ai pas compris. C'est une des activités qui propose le guide. Ah, d'accord. Putain, merci, juste un teubé dans le groupe, ça fait plaisir. T'as balade en raquette, pistage d'animaux et sauvetage de gens en détresse. Voilà, et rien que le fait découverte d'arbres. À marcher. Excuse-moi. D'espèces d'arbres. Ah ouais, c'est, c'était. Waouh. C'est plus important. T'as des conifères. C'est bien. Ouais, putain. Amel est en train de se dire c'est quoi, je l'ai perdu. Conifère. C'est un sapin. Non. C'est un... Un sapin, t'as conifère, un conifère n'est pas un sapin. Exactement. Je t'ai mis la misère. Non mais les sapins font partie de la famille des conifères. Exactement. Voilà. Exactement. Bon. Il y a des familles d'arbres. C'est bon, tout le monde suit. C'est bien. Oui, c'est bon. Je crois que le cerveau d'Amiel il a C'est comme là. Les chiens, tu vois, ils ont des races. Bah les arbres, ils ont... Des races. Ouais. Tu vois, t'as des conifères, ils ont des races. Tu vois, t'as le sapin, t'as... Des espèces. Je sais pas, ouais, voilà. Des espèces d'arbres. Ok, ouais, c'est comme mammifères qui regroupent. Ouais, c'est ça. En gros. Ouais, okay. C'est ça. C'est comme des somnifères aussi. Non, rien à voir. Je crois que je vais t'en donner un. Ouais, ouais, je veux bien. Mais c'est nul. Mais en même temps, il est 23h33. Je devrais déjà être. Vous êtes en déperche, Abélie. Il est 32, il est pas 33, il est 32. Il sera 33 dans une minute alors. Mais oui, non, dans 40 secondes. Et bah, dans une minute aussi, il sera 33. Je suis désolé. Oui, mais 33 et 27 secondes. Bon, ok. Pour terminer, un mot pour conclure. Bah, c'est tout. C'est tout. D'accord. Merci pour ta conclusion. Tu fais que ça. Tu fais vraiment une balade de scout quoi. Mais arrête, mais c'est génial, non, j'ai mais trouvé. C'est cool. Bah, moi, c'est, j'en ai déjà fait de la raquette, c'est stylé. Mais on sent pas les couilles, toi, t'as tout fait, là. T'as déjà fait de la raquette, alors que tout à l'heure, tu savais même pas ce que c'était. Non, mais si, je sais ce que c'est. D'où c'est stylé. Mais mytho. D'où c'est stylé de se balader avec des raquettes au pied. C'est cool. Bah. Super. Yannick Noah. Moi, enfin, lui, je balade pieds nus. Moi, franchement, je suis... T'as compris la blague si. C'est surtout que les pieds nus, donc okay, on s'appelle pas Amélie, on l'a compris. Moi, je suis à la... Mais si, c'est moi qui l'ai dit, donc non, j'ai mais compris. Je suis à... Tu te tais. Oh, oh. Si je suis à la montagne, c'est pour faire de la luge ou du ski. Je vais pas faire du racket, des raquettes en bas de la piste. Je te verrais bien faire du ski, Du ski, j'en ai déjà fait, non. Ah. J'ai eu mon ourson. Mais... Ah, c'est quand t'es petit, ça. Ouais, bah... Ouais, mais il l'a eu à 30. Non, mais après, je me suis arrêté là au niveau des diplômes. Mais non, je skie très mal, mais parce que... Enfin, très mal, j'ai un tout petit niveau, on va dire. Mais parce que j'y vais qu'une fois tous les 10-15 ans. Ouais, ça coûte super cher, le ski, en vrai. T'es comme les brioches, tu sais pas skier. les brioches, pas skier. Ah, bon. Elle est là, bien, c'est plutôt pas mal. Là, c'est moi, pas mal. Je vais en rire. Non, mais... elle est pas de toi. L'enfoiré. En plus, s'auto-clasher. Oui, mais j'aurais pu pas y penser. Ouais, c'est et c'est arrivé. J'y ai arrivé, c'est pensé. Non, non, c'est vrai. Moi, c'est je te donne 14 pour cette blague. Merci. Ça fait c'est pas plaisir. Mal. 14 et demi. Merci. Qui veut plus? Qui veut plus? Qui veut plus? Non, on va pas pousser Mémé dans les orties non plus. Lèche-cul. La semaine prochaine, nouveau numéro d'Actu Solide à découvrir, nouvelle chanson à découvrir avec toutes les nouvelles rubriques. Et si vous avez loupé ne serait-ce qu'une minute, parce que c'était des musiques et une minute passionnante, eh bien vous pouvez la retrouver en podcast sur une vingtaine de plateformes, donc faites-vous plaisir. Et vous savez ce que j'ai envie de faire pour terminer cette émission? Chanter? Non. Faire des raquettes? Non. J'ai envie de nous repasser. Ah, pas comme une chemise, hein, mais de repasser la musique. Tu nous passes et après tu mets. Et après on écoute, on écoutera quoi après? Lorne et Louis, plus tard. Lorne et Louis, ouais, plus c'est tard. Une reprise de Guigui. Justement, ah bah, plus on va tard, l'écouter justement. Plus tard après la chanson. C'est une reprise de Guigui. C'est pas une. C'est une ah, cover. C'est une reprise. Bah plus tard, c'est une reprise de. Tu sais? On verra plus tard. On verra plus tard. Genre, il sait même pas les trucs de sa presse. Bah, non, non, j'ai oublié. C'est une reprise de. C'est une reprise de. On verra. Ok. Plus tard. Bon. Voilà. C'est ça. On se réécoute l'herbe grise. 15. Titre exclusivité d'Actu Solide qu'on adore. Vos oreilles saignent. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Actu Solide. Mais avant, bien sûr, durant la semaine, il y a plein de choses. Notamment demain soir, j'ai vu de la lumière avec Clément. Oh, ouais. Le gros sketch d'improvisation à découvrir des 21h sur Indestar. Jeudi, les Peck Avengers. Ils arrivent. Ouais. Ouais. Peck Avengers. Je vais vous parler d'un super jeu, mon dieu. Ouais, je vais parler d'un film. Yeah, yeah. Héros de ta radio. Peck Avengers. Attaquez-les tous. Ils chantent ça, c'est les Peck Avengers. Et on les attaque pas, les Pokémon, on les attrape. Attrapez-les tous. Ouais. Je vais vous parler d'un putain de jeu. C'est vrai. Mais moi, d'un putain de film. Ça s'appelle Bi. Comment? Bi. Bi. B-E-E. Ah, Bi, comme. Bi. As been a Berliner. Abeille. Comme abeille. Abeille. Ah, mais tu n'en as pas déjà parlé d'une fois? Ah, tu m'en as parlé à moi, ouais, tu m'en avais parlé aussi. J'en ai parlé à tout le monde sauf la radio. Est-ce que je peux teaser ou pas? Non. Non, ok. Surtout pas. Tu fermes ta gueule. Tu peux butiner, mais. Moi, je vais vous parler de la Grande Muraille. Ah, tais-toi. De Chine. Ouais.